Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! La dernière fois, nous sommes quittés après la décision de votre groupe, enfin de votre communauté et surtout de votre groupe à vous, de se lancer dans une expédition au Select Specialty Hospital pour aller chercher en priorité des médicaments et différents équipements médicaux dont vous pourriez avoir besoin dans la prévision d'un grand déménagement, d'un grand exode que vous avez réussi difficilement à faire passer comme projet dans toute votre communauté. Dans ce groupe qui part en expédition, il y a bien entendu chacun de vous, c'est-à-dire Alexios O'Brien, qui vous sert assez simplement de guide parce qu'il a assez l'habitude de sortir dans cette ville. Ashley Driver, Cinda, Dwayne, Ed Smith, et vous êtes accompagné donc, je vous le rappelle, de Adam Sparrow, le vieux professeur d'ethnologie, et de Peter Horvath, le boucher. Vous avez votre équipement habituel, celui que vous avez sur vos fiches, en plus d'une autre arme à feu qui vous a été donnée, une arme de poing à feu qui vous a été donnée par Jared Ross sous les ordres de Richard Bankstrom. C'est à savoir lequel d'entre vous là, ce sera à vous de vous organiser. Et vous vous êtes saisi donc des sacs et de tout ce qui était nécessaire pour transporter ce que vous trouverez. Donc nous commençons directement. Pour l'instant, encore à l'intérieur du Cadio Market, mais vous êtes sur le départ. Donc les différents membres de la communauté vous ont fait peu à peu passer quelques petites notes où vous l'ont dit à de vive voix s'ils avaient des besoins particuliers, surtout à toi Alexios, vu que tu as fait une habitude que les gens te passent leurs commandes. Bon, quitte à savoir si toutes ces commandes seront remplies ou pas, on verra. De toute manière, vous savez quelles sont vos priorités. À vous de me dire maintenant si vous prenez votre temps, si vous commencez à partir directement, comme vous. Moi, je pense qu'il faudrait pas trop tarder. Enfin, de ce que j'ai compris avec Alexios, avec son pitch qu'il nous avait fait, etc. Je pense qu'il faudrait pas trop tarder, donc... Si tout le monde est d'accord, je propose qu'on ne reste pas plus longtemps ici. On y est de toute façon tout notre temps, donc ouais. Autant faire la première sortie. Du coup, bah, c'est bon, bien. Il est prêt, donc quand vous voulez. C'est Adam du coup qui va conduire, c'est ça, hein, on est d'accord? Bah non. Bah en fait, il va surveiller le pick-up une fois qu'on sera à l'intérieur. Ah oui. Mais je veux dire, après, si on doit partir en urgence, ce sera lui qui, oui, aura, lui qui aura le voile. Oui, c'est lui. C'est lui qui a ce fauteuil. Okay, la seule question, c'est l'arme à feu qu'il apprend. Moi, je me sens pas d'en tenir une. Je sais pas si l'un d'entre vous. C'est une arme à feu en tout ou une arme à feu par personne? Une seule. Moi, j'ai une arme à feu personnelle, moi. Il y a une seule pour l'un d'entre vous. D'accord. Bah, moi, j'ai ma batte. Moi, j'ai déjà. Moi, j'ai ma batte. Donc, je sais moi, pas j'en ai déjà une. Personnellement, je sais pas tirer, donc on va pas m'apprendre en 5 minutes. C'est rien que je me la trimballe. Dwayne non plus? Tu l'as vu, Dwayne? Moi, j'ai une arme à feu, si vous m'écoutez. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, vous êtes deux en même temps à dire vous avez une arme à feu, désolé. Donc, du coup, Cinda ou Ashley, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai déjà une batte de baseball. J'ai pas besoin d'une arme. J'ai un canif. Alors. J'ai un canif. T'as de quoi te défendre Moi, de toute façon, on tire quand. C'est une barre de fer qui traîne où je peux récupérer un des scalpels de la trousse de médecin, ouais. Mais. De toute façon, on tire quand en extrême urgence, c'est ce qui a été dit. Voilà, donc. Et dans mon cas, je m'en sortirais mieux avec une barre de fer qu'une arme à feu. Je préfère taper avec un truc de manière instinctive que d'essayer de comprendre comment fonctionne ce truc. Et bon, vas-y, envoie l'arme, je vais la prendre. Je la prends. Ah, tu la prends, c'est là. Oui, oui. Je discutais avec. Je voulais juste être sûr qu'elle soit sécurisée. Ouais, vas-y, je t'écoute. Si vous voulez, dans mon pick-up, moi j'ai une trousse petite, une clé anglaise. Et... Non, c'est super ça. En vrai, pourquoi pas. Est-ce que t'aurais un truc du genre. Comment on appelle ça, les barres de fer qui servent à soulever des trucs? Baramine? Non, une baramine. Un pied de biche. Un pied de biche, un truc comme ça. Ça pourrait être utile si jamais. Pour essayer de déblayer une zone, genre s'il y a des trucs qui. Quoi que j'allais dire, qui sont effondrés, mais. Les choses ne seront pas effondrées non plus aussi vite, mais. Attendez, parce que il essaye de demander quelque chose au MJ. Est-ce que j'ai ça dans ma caisse? Non, bah, j'ai pas exactement tout entendu vu que tout le monde parlait, mais qu'est-ce que tu as dans ta camionnette? J'ai une trousse à outils. Est-ce que j'ai un pied de biche, une crowbar dedans? Un pied de biche, quand même, c'est un. Ça existe en psy, genre. Ouais, bah je te l'accorde. Voilà. Bon, bah, c'est petit, mais ça donnera un bon coup de. De toute façon, c'est bien connu, tous les Américains ont des pieds de biche dans leur voiture. De toute façon, c'est un truc qu'on utilisera seulement en extrême urgence, mais ça peut être utile. C'est ça, de toute façon, on n'est pas censé. Pour des cambriolages. C'est comme l'arme à feu, on n'est pas censé l'utiliser a priori, donc on n'est pas. Ouais, et je vous rappelle une des règles, pas de bruit. Donc si vous dégondez une porte, c'est votre problème. Non, clairement. C'est vraiment en cas d'extrême urgence, si jamais il faut les. En tout cas, moi je monte une machette dans quelque part, quoi. Pour ma part, je monte à l'arrière du pick-up. Je suis déjà placé à l'arrière du pick-up. Je vais prendre la trousse à outils, en fait, moi. Dis-moi, si Dwayne. Faut... À tout hasard, t'aurais pas un crochet ou quelque chose comme ça dans ta trousse? Non, ça, par contre, j'ai pas un kit de crochetage. Ça aurait été trop beau. Non, pas crochetage, pas de type crochetage, mais de type pour escalader. Un pic à glace. Non, c'est pas ça le terme. Un piolet. Un piolier, si tu veux. Ah ouais. Bon, en vrai, on s'en fout un peu. Il y a peu de chances qu'on se fasse courir après. Normalement, on va prendre toute notre sécurité. Mais j'imagine que pour escalader une gouttière ou un truc comme ça, en cas d'extrême urgence, pareil, ça peut sauver une vie. Sache que j'ai des boudriers. Je suis peut-être un peu trop paranoïaque, mais en même temps, bon, c'est nos vies qu'on va mettre en jeu donc sur cette sortie. Donc peut-être qu'il vaut mieux être plus trop prudent que pas assez. Attends, excusez-moi. Moi, je voulais savoir s'il y avait une machette dans la voiture. Parce que j'ai que deux flingues, moi. Non, mais il n'y a pas de machette dans ma voiture. Je suis pas je n'autoriserai pas plus de matériel magique sorti dehors de votre fiche d'inventaire. Voilà. Et est-ce qu'il n'y aurait pas la clé de Peter dans ta voiture? Peut-être que tu as vérifié. Est-ce qu'il y a pas la clé dans ma voiture? Non, mais oui, bon, excusez-moi. J'ai pas le sac d'Harry Potter. Hein. J'ai pas 14 000 trucs dans ma voiture. On est épuisé le stock. Eh bien, très bien. On peut y aller, je pense. Ouais. Mais je prends ma trousse à outils, du coup. Très bien. Moi, je me mets à côté du conducteur. Ok. Oui, vous pouvez me décrire à quel siège vous vous trouvez dans le pick-up de... À côté driver. Bah, moi aussi. Donc, il dit un endroit, je suis à côté. Mmh. Vu qu'on conduit pas, du coup, à l'arrière. Ouais. Bon, en sachant côté fenêtre. Vous allez un peu vous entasser à l'arrière vu que vous êtes plus que ce qui est prévu pour... Je vais essayer de me coller à la fenêtre, c'est toujours agréable de pouvoir regarder. Ah oui, non, mais c'est un pick-up avec deux places avant et... un coffre. Ah oui, ouais. D'accord, oui, bon, bah... Non, il n'y a pas de fauteuil derrière. Ok, bah tout le monde dans le coffre. Comme la petite fille. Ok, génial. Bon, et eh bien, maintenant que vous êtes bien installé, du coup... Vous mettez en route en direction du Select Specialty Hospital de Miami, qui est donc pas un hôpital non plus énorme, mais qui est surtout un hôpital pour votre zone géographique actuelle, qui est la petite Havana, Little Havana. Et vous savez, enfin Alexios en tout cas vous le renseigne, mais pour ceux qui sont de Miami déjà ou des alentours peuvent le savoir assez rapidement. En distance en voiture du Cadillo Market jusqu'au Select Specialty Hospital, il y a en temps normal 4 minutes seulement en voiture, 18 à pied. Là, on est plus sur un hybride des deux parce que la circulation n'est pas incroyable de nos jours. Voilà, a priori, les gens ne savent plus conduire. Et du coup, vous tombez sur pas mal de rues où il faut faire des zigzags, certains où il faut complètement quitter la route habituelle et aller dans des ruelles ou passer par faire un détour incroyable, ainsi de suite. Beaucoup de rues bouchées. Et des voies à trouver. Bon, ce n'est pas un très long voyage. Durant ce voyage, cependant... la tranquillité à laquelle vous vous êtes habitué autour du Cadillo Market, c'est-à-dire l'absence de choses aux alentours, grâce à la sécurité que vous aviez mis en plaçant des véhicules à l'entrée du parking du Cadillo Market, et ainsi de suite, reste constante cependant. En effet, il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose qui traîne dans le coin. Ça peut arriver. Et si au détour d'une ruelle, peut-être, en passant dans la rue, vous pouvez peut-être voir une ombre bouger au loin, dans un endroit obscur ou que ce soit, vous ne restez pas spécialement pour vous assurer que ce soit bien quelque chose ou pas. Et donc, rien ne vient briser la tension calme de ce moment. Au final, en faisant un dernier petit détour pour éviter le Marlins Park, qui est tout simplement un parc avec un stade dedans et ainsi de suite, où Alexios, tu sais par expérience que il y en a peut-être certains qui traînent dans le coin, donc par choix tu l'indiques sûrement à tes camarades et ouais. vous faites un petit détour pour l'éviter. Vous arrivez finalement aux alentours du Select Specialty Hospital, en passant donc devant l'église des Témoins de Jéhovah qui n'y a pas très loin, et devant la petite pharmacie déjà vidée qui faisait la jonction avec l'hôpital. Moi je demande au conducteur de se garer derrière. Parce que je sais qu'il y a un truc derrière, dans une petite ruelle, pour éviter qu'on soit trop visible dans le principal. Ok, mais est-ce que ça nous assure une évacuation facile depuis l'hôpital ? Oui. Ok, bon bah, j'exécute. Très bien. Donc, vous allez donc vous garer derrière le Select Specialty Hospital, à côté d'un... Juste en réalité entre l'hôpital et le centre de réhabilitation qui est juste à côté. Ça vous fait un petit coin hors de la rue principale. Vous pouvez vous installer. Pour commencer, avant de vous laisser sortir du véhicule ou quoi que ce soit, je vais vous demander à tous un jet d'attention. Donc, Dwayne, Cinda et Alexios, pour ce qui est des autres, pour un, tout vous semble absolument commun. Donc, Dwayne, Cinda et Alexios, vous vous rendez assez rapidement compte, en regardant aux alentours du coup de l'hôpital, et même sur le chemin quand vous êtes de plus en plus rapprochés, qu'il y a l'air d'avoir eu des aménagements assez particuliers dans le coin. En effet, vous remarquez de manière évidente, maintenant que vous êtes devant l'hôpital, qu'il n'y a plus aucun véhicule, en réalité, aux alentours. Même dans les rues adjacentes, aucun véhicule. A priori, ils ont été déplacés, ou peut-être que les gens, en fuyant, ont complètement vidé cette zone-là. Je demande à Alexios... C'est habituel qu'il y ait des zones comme ça sans aucun véhicule ? Non, c'est pas habituel. Ça veut dire qu'il y a des gens ? C'est pas du tout habituel, parce que... Oui. Mais comme je vous ai dit, les milices... Il y a une milice qui a vu des... de l'armée et qui les a récupérés avec les ambulances. Il suffit que ça se passe comme ça, à moins que ça s'est fait très rationnellement. Je sais pas. Mais je sais que la dernière fois où je suis passé... Ils y étaient toujours, les bagnoles. Donc... Qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de trouver un endroit où on peut y rentrer. C'était quand, la dernière fois que t'es passé ? Alexios, avant que tu répondes, je te donne juste un peu plus d'informations là-dessus. T'es peut-être passé quelques fois pendant tes sorties, mais comme on l'avait dit à la session précédente, c'est pas une zone où on t'avait dit de fouiller ou quoi que ce soit, donc c'est sûrement... En passant d'un coin à l'autre que t'es passé, donc t'as pas non plus des informations ultra précises sur la zone vu que tu ne l'as pas fouillé pour le moment. Ouais, je te laisserai pour le moment, j'ai pas trop fouillé, et la dernière fois que je suis passé, mais juste passé sans fouiller, ça remonte à 3 semaines à peu près. Sinon je suis plus allé vers le sud et tout ça où il y a plus de marchandises. Donc en 3 semaines, il y a tous les véhicules qui ont quitté la zone. Il va falloir qu'on soit prudent, je pense. Il faut trouver un endroit où on peut passer par... pas par la porte d'entrée, parce que si jamais à l'intérieur, c'est idiot. Mais on va essayer de trouver un endroit, comme sur tous les bâtiments, les hôpitaux, il y a des escaliers extérieurs et tout ça. Pour l'incendie, on va essayer de prendre cela. Et on va faire du haut, de haut en bas aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. T'es notre guide, hein, je te fais confiance. Pareil, je te suis. Du coup, je me retourne vers Dwayne. Je suis ici. Du coup, c'est Adam qui garde la bagnole. Ouais, et si jamais on doit partir très vite, il roule. Et Peter. Ouais, c'est bien qu'il reste en voiture, lui aussi. Ouais, on va éviter qu'il nous donne un coup d'avachoir. Du coup, je vais donner une heure précise. Si dans les 5 heures, voire 6 heures, on n'est pas revenu, qu'ils partent. Parce que je connais les ruelles et tout ça, et puis ça sera plus simple, plus accessible. Ils ont... Pour éviter que... De quoi ? Non, rien. Non, vas-y. Non, c'est bon. Du coup, le secteur, quand on voit ça, en gros, c'est, ça fait vraiment ultra nettoyé. Hein, genre, comme si c'était quand même clean, ou c'est juste qu'il n'y a pas de voiture, mais ça reste un peu défoncé, ou il y a des trucs par terre dégueulasses. Le ménage n'a pas été fait, ça c'est sûr. Il y a des journaux partout, il y a des poubelles renversées, il y a tout ce que tu peux t'attendre d'une zone abandonnée D'accord. où il y a eu de la panique, mais les voitures ont été vidées. D'accord. Enfin, il n'y a plus de voiture. Ok. Voilà. Et je peux rajouter que Dwayne et Cinda, au vu de vos résultats et ainsi de suite, vous vous rendez aussi compte d'autres choses, vous deux cependant, c'est que pas mal de bâtiments autour de l'hôpital ont l'air d'avoir été pas barricadés au sens propre du terme, mais c'est-à-dire bouchés. Les entrées ont été bouchées entièrement, et à tous ces bâtiments où les entrées ont été bouchées, semble avoir été peint ou tagué ou ainsi de suite, un petit signe check, que ce soit sur un mur ou devant l'entrée au sol ou quoi que ce soit. Voilà, le petit V de check. Ouais, ça fait vraiment milice, comme Alexios nous en parlait, quoi. J'ai même une question. Durant mes premières semaines pour survivre à l'apocalypse, est-ce que le groupe avec lequel je traînais était du genre à faire ce genre de choses ou pas? Je te pose la question, tu choisis. Bien, pour toi et pour tous ceux qui ont pu connaître d'autres communautés avant, et ainsi de suite, ça peut arriver, en effet. Ça peut être pour différentes raisons, comme par exemple, on a déjà fouillé ici, il faut qu'on s'en souvienne, ou... point de repère, ou ainsi de suite, il y a mille et une raisons possibles. Mais oui, c'est une pratique qui peut s'être démocratisée assez rapidement. Ok. Du coup, faudra faire gaffe, parce que c'est sûrement déjà fouillé. Donc, c'est-à-dire qu'on risque de trouver pas énormément de choses. Et il y a peut-être encore de l'activité, quoi. C'est ça, donc j'en parle à voix basse, mais il faut qu'on soit aussi très attentif au bruit. Si jamais il y a d'autres personnes ici, sans doute que comme nous, ils feront le moins de bruit possible, donc on pourrait parfaitement entrer dans une pièce et tomber sur un autre groupe sans l'avoir entendu auparavant. Ouais. Donc l'hôpital, attention. L'hôpital, il est pas marqué check. Bah, non. Le problème, c'est qu'on est à l'arrière. Bah, sur une porte arrière aussi. En tout cas, sur les entrées auxquelles vous avez accès, que ce soit les escaliers ou les portes arrière ou quoi que ce soit, il n'y a pas de check. Et c'est pas barricadé non plus. Moi, je commence à descendre du pick-up. Je suis dans les alentours. Enfin, je reste autour du pick-up. J'observe un petit peu. Et puis, j'attends que les autres se mettent. Viennent à... Je pensais qu'on était déjà descendu. Mais... Ah, je sais pas. Bon, je pensais, parce que ça, on n'avait pas trop de raisons d'y rester pendant 4 heures. Mais parfait. Dans ce cas, on suit ce mouvement, quoi. Du coup, je regarde Alexios, je fais bon. Écoute, je te suis. On va passer par en haut, on va faire de haut en bas, comme ça on fait pas de base en haut. Okay. C'est là où on peut y avoir un risque de faire du vent. Et si on fait de haut en bas, on peut potentiellement croiser des groupes. D'accord. Je vous dis, là on va passer. J'attrape un sac de voyage, sac de sport vide. Et puis je grabe ma batte de l'autre main. Moi je prends mon sac et je prends comme aide mon pistolet à la cuisse. Je mets ma capuche et je commence à y aller tranquillement en attendant les... Très bien. Du coup, je pars du principe que tout le monde suit et tout le monde est préparé, et ainsi de suite. Et vous vous dirigez donc vers, pour commencer, l'escalier le plus proche, l'escalier extérieur le plus proche. Et en vous approchant, vous vous rendez compte que l'escalier est en parfait état de service, il n'a pas été démonté, il n'est pas en mauvais état, il n'y a pas d'obstruction ou quoi que ce soit. Donc vous vous aventurez sur celui-ci, j'imagine. Vous montez, juste une question, est-ce que vous montez au plus haut possible et imaginable, ou est-ce que genre vous avez pour but d'aller sur le toit, ou vous vous arrêtez à un certain étage ou pas? Moi c'est Alexios. Moi je suis Alexios. C'est lui le patron. On va monter par le toit. On va monter par le toit, on va pas faire étage par étage, on va monter l'avant-dernier étage avant le toit, tu sais. D'accord, très bien. Pour pas faire trop de bruit en ouvrant la porte dans, pour peu qu'elle soit piégée. Je vous indique avant tout, parce que ça risque de changer un peu votre plan, c'est que, en effet, comme vous pouvez le voir sur l'image que je vous ai passée d'aperçu de l'hôpital, il n'est pas à même hauteur à tous les niveaux. Et en effet, l'escalier que vous avez, auquel vous avez accès ne monte pas jusqu'au plus haut possible, il monte jusqu'au toit de base. Il y a une certaine zone qui monte plus haut que le reste. Donc vous êtes à mi-chemin vers les hauteurs. Mais est-ce qu'il y a une porte au niveau de ces de l'autre bâtiment, enfin ces mêmes bâtiments, mais qui est un peu plus haut que là où on est? S'il y a une porte, ben, on va passer par là. Oui, il y a une porte, en effet. Je peux vérifier au cas où si elle n'est pas piégée, parce que je passe. Pour éviter qu'il se blesse au cas où. Eh bien, tu peux t'attarder dessus. Tu vas me faire un jet d'astuce. C'est bien, astuce. Ça sert. Donc, tu t'attardes un peu sur la porte avant de faire signe aux gens de s'avancer. Et mis à part le fait que c'est une porte, une espèce de porte en ferraille où il n'y a aucune fenêtre ou quoi que ce soit, tu essaies de regarder la poignée, la serrure ou quoi que ce soit, mais tu ne vois rien qui sort de l'ordinaire. Bah, je vais ouvrir la porte. Très bien. Tout en prenant mon flingue au cas où, comme ça, pas armé, mais c'est pour ouvrir tranquillement et laisser un passage aux autres, quoi. Ok, très bien. Fais-moi juste un petit jet de chance au cas où. Vas-y. Ah. Donc, tu ouvres la porte, t'enclenches la poignée, a priori aucun problème, et tu pousses la porte pour rentrer à l'intérieur. Il y a un moment où tu sens la porte être gênée un peu dans sa progression. Tu arrêtes ton mouvement et après tu vérifies s'il y a un problème, mais tu vois qu'en effet c'est juste une espèce d'irrégularité dans le sol qui fait que la porte gratte un peu. Donc tu la soulèves et tu ouvres entièrement la porte sans produire le moindre bruit à problème ou sans tomber sur le moindre danger. D'accord, ok. Bah, je vérifie de fait dans le couloir avec une petite lampe et après je leur fais. C'est bon. C'est en signe. C'est en faisant. C'est clair. Je regarde dans le couloir à droite et à gauche. S'il y a un couloir à gauche et à droite. Oui. Je sais pas, en face. Bien, tu regardes dans le couloir. Seulement tout le monde regarde ou juste toi tu rentres en scout, enfin en avant-garde ou quoi que ce soit? Moi je rentre en scout. Moi je suis derrière lui avec la batte, genre s'il y a quelque chose. Ceux qui veulent s'aventurer dès à présent à l'intérieur pour voir les couloirs et ainsi de suite me font un jet du coup d'attention. Ok, bah je fais un jet. Ok. 99 médiocre. Je pense que c'est un bon jet. Et c'est quoi? C'est attention. Mm-hmm. Moi j'ai fait 9 et moyen. 71 avec très bon. 18 avec bon. Mais tout le monde regarde du coup? Ah bah ceux qui veulent s'aventurer. Ceux qui veulent. Ouais, mais du coup là il y a tout le groupe qui rentre. Sauf toi. Tu peux rester derrière, hein. T'es pas obligé de venir. Hein. Sauf toi et les deux. C'est vrai, je voulais juste. Il faut pas oublier qu'à part nous, il y a encore deux autres personnes. Donc pour l'instant, il y a trois personnes qui regardent. Ouais, ils sont dans la voiture. Ils sont dans le véhicule. Ils restent dans le véhicule. Ah, oui, en fait, c'est vrai, my bad. Donc, il y a vraiment tout le groupe qui regarde d'un coup. C'est vraiment très sécurisé. Il n'y a pas de souci. Non. dans ma tête, ils étaient juste derrière, mais vous avez raison, ils sont dans la voiture. Après, Alexios, il rentre à l'intérieur. Mais nous, on veut juste. Il dit rien. Jeter un œil, tu vois. Pas. Vous justifiez pas, hein, s'il y a une couille, c'est vous qui êtes concerné. Ah ouais, mais de toute façon, moi je me suis, donc... Vous inquiétez pas, attendez, je jette un jet de chance, voilà, ça tombe sur 100. Tout le monde est mort, sauf Cinda, du coup. C'était une horde qui allait... Non, bon, pas de problème. Allez, du coup, vous regardez, et pour ceux, alors on a bon 18, 9 moyens. Dwayne, Alexios, Ashley, donc tout le monde, mis à part Ed et du coup Cinda qui ne regarde pas. Vous avez un bon aperçu du couloir. A priori, bon, Ed, il se concentre sur quelque chose d'autre soudainement, son esprit. Ou en tout cas, peut-être qu'il se concentre surtout sur Alexios qui vient d'entrer. Du coup, au cas où quelque chose se jette dessus, il est déjà prêt à tabasser, donc il n'est pas dans le couloir. Je vais sortir de truc, mais bon. Je prends un coup de batte dans la gueule. Observez que le couloir auquel vous avez accès, c'est pas un long couloir, c'est parce que la zone qui monte plus haut est beaucoup plus étroite que le reste de l'hôpital, c'est pas un très long couloir. Et que ce soit à gauche ou à droite, vous remarquez qu'il est... Il est vide. En tout cas, vide de danger. Bien entendu, il y a à certains endroits où vous voyez des choses renversées ou des traces noircies sur les murs ou sur le sol d'assez mauvais augure. Mais en tout cas, rien qui ne bouge, pas de cadavre non plus, que les traces d'une catastrophe déjà passée. D'accord, ok. Bon. Ben je leur parle doucement, vu que il y a vraiment pas de meubles, ça, c'est éviter la résonance. Tu peux me répéter ça? C'est l'effet d'écho. C'est quand tu parles doucement. Normalement, quand il y a des meubles ou des trucs comme ça, il y a un écho assez médiocre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, tu veux faire un pas test? Pas du tout. Non, on va éviter. Je lui aurais dit d'être silencieux. Et du coup, je ressors. Je leur fais le signe de ressortir. Je range mon pistolet. Je leur dis, bon, on va choisir. Soit on part à droite, soit on part à gauche, soit on va tout droit. Faut qu'on trouve. C'est à vous de voir. Trouve le service de radiologie. Tout droit, au hasard. Moi, je voudrais qu'on regarde. Il y a souvent des panneaux qui sont dans les hôpitaux. Je voudrais qu'on regarde s'il y a un. J'allais dire la même chose. Radiologie. Bah, meilleure idée. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il y a toujours ça dans les hôpitaux. Ouais. Par contre, je vais leur demander maintenant, on va essayer de parler en signe, ou si jamais il y a besoin de parler. Vous mettez les mains, on se couche l'épaule. Comme ça. Mais au cas où il n'y a pas d'indication proche, il y a toujours des panneaux centraux qui résument où tu es. Donc en cherchant bien, on trouvera toujours un moyen de... Le plan avec... Ou même la carte évacuation, vous savez... Ouais, exactement, ouais. Les pompiers, ouais. Donc, il faut qu'on cherche ça en priorité. Ok, génial. Eh bien, vous allez... Tous ceux qui cherchent, vous restez ensemble, j'imagine, pour chercher tout de même, mais vous... Vous jetez par-ci par-là. On sépare pas. Chacun d'entre vous. C'est pas une bonne idée de se séparer. Chacun d'entre vous qui se concentre sur la recherche plus que sur faire attention à quoi que ce soit, vont me faire du coup de nouveau un jet d'attention. S'il vous plaît. Donc nous avons Ed Smith, Alexios et Dwayne. Qui capte assez vite en avançant un peu dans les couloirs et en faisant à certains moments quelques détours, trouve très rapidement du coup l'indication la plus proche de où êtes-vous et où est quel service, en tout cas ceux qui sont proches. Vous avez à présent une petite idée un peu de là où vous trouvez. Et vous savez déjà que là où vous trouvez, dans cette espèce de petite surélévation par rapport au reste de l'hôpital, et surtout la zone où on entasse les patients qui ont besoin de pièces et quoi que ce soit, les patients qui ne sont pas des urgences ou quoi que ce soit, ceux qui sont là juste pour finir de se reposer, pour ainsi dire. Donc vous n'avez pas de service particulier. Du coup, il n'y a pas de radiologie, quoi. S'il y en a, ce sera sûrement. Il va falloir sûrement descendre. C'est pas à votre hauteur. Et non, pas monter. Voilà. Pour ce qui est des portes devant lesquelles vous passez, beaucoup sont fermées et celles qui sont ouvertes ou entrouvertes, c'est à vous de me dire si vous risquez une certaine investigation ou non. Moi, je vais vraiment... je suis l'ombre d'Alexios. Genre, il avance, j'avance avec lui. Tu pisses, je pisse, tu pisses, c'est ça? Non, mais en vrai, vraiment, vu que... voilà. Ouais, non, mais... Pour moi, okay. Il n'y a pas trop de raison de chercher maintenant. Si j'ai bien compris, on n'est pas dans les étages. On risque de trouver le plus de trucs qui nous intéressent. Donc je propose qu'on reste prudent et qu'on n'ouvre pas des portes pour rien. J'explique à Ed s'il voit quelque chose, c'est qu'il me tapote sur la main. Sans faire de... Pas avec la batte. Mais du coup... Très bien. Bon, a priori, donc, personne ne se risque à zioter plus que ça dans les pièces, même celles qui sont ouvertes. Très bien. Donc, tout ce que j'ai à vous dire... Vraiment, en passant, mais c'est seulement si on, pour moi, dans mon cas, si on passe devant, tu vois, évidemment, je vais jeter un coup d'œil pour vérifier. Ouais. Mais c'est pas faire de détour inutile pour regarder. Ouais. Ok. Donc, ce que je peux vous dire sur les pièces ouvertes et entrouvertes devant lesquelles vous passez, c'est que, en tout cas, vous ne voyez rien d'intérêt quand vous y passez, rien non plus qui ne puisse vous alerter. Bon, bien entendu, il y a certaines pièces où les lits sont renversés ou d'autres choses sont renversées. Mais. Question sur les infectés, slash rôdeurs, slash marcheurs, slash tout ce que vous voulez. Mm-hmm. C'est plutôt de quel type? Du coup, c'est vraiment les zombies, du coup, à la Walking Dead. Donc, oui, est-ce qu'on entend des. Normalement, est-ce qu'on est censé entendre des râles au loin, des choses comme ça? Alors, de ce que vous savez et de ce que vous avez potentiellement déjà croisé depuis le début. Vous savez qu'en effet, ce sont des choses assez lentes, assez maladroites. Vous savez aussi qu'ils ont tendance à faire pas mal de bruit, en effet, vocaux, des grognements, des râles, et ainsi de suite. Il arrive qu'ils puissent être très silencieux, ou même qu'ils soient abîmés à certaines zones, qui les empêchent de faire certains bruits ou quoi que ce soit. Donc c'est pas non plus toujours un indicateur. Ça, vous avez aussi appris qu'ils sont pas mal attirés par le bruit. C'est un peu leur sens principal. Et vous savez aussi qu'a priori, une morsure est égale à une mort assurée. Ça, vous avez tous pu faire l'expérience ou la voir. Enfin, pas faire l'expérience par vous-même, mais la voir. Donc voilà, c'est ce que vous savez à leur propos. On est tous mordus. Du coup, c'est moi qui ai fil de tête, c'est ça? Dans la ligne. Ok, ben on va commencer à descendre. Ok. Du coup, vous suivez Alexios vers l'escalier le plus proche pour descendre. Très bien, du coup vous aventurez dans l'escalier et en... dans cette porte, on est bien d'accord que vous êtes dans l'escalier intérieur maintenant ou vous redescendez par l'extérieur pour rentrer par la porte à vous de me dire, parce qu'il y a plusieurs escaliers possibles. Par l'intérieur. Ok. Par l'intérieur, et c'est quoi comme... C'est une cage d'escalier ou c'est des escaliers? T'as tout le monde qui te voit descendre. Ici c'est une cage d'escalier. Tu vois ce que je veux dire? C'est une cage d'escalier. Ok, donc y a aucun risque où quelqu'un... Non, vous pouvez pas vous faire sniper ou quoi que ce soit. Ok. Enfin, dans cette cage d'escalier, il y a à des moments certaines petites vitres vers l'extérieur, mais ce serait un snipe par l'extérieur du coup, pas par l'intérieur du bâtiment. On n'est jamais trop sûr d'arriver. Moi, je reste accroupi. Je m'agroupe. Tu sais, je m'agroupe accroupi et je descends doucement. Je fais attention, tu sais, comme je suis le premier, je fais attention s'il y a des portes qui sont un peu ouvertes ou entre-ouvertes. Je les ferme, tu sais, sans qu'il y ait de bruit pour éviter que on se fasse repérer ou quoi, si jamais il y a du monde dedans. D'accord, très bien. En voyant Alexios s'accroupir pour n'être visible, absolument pas visible par les fenêtres, et ainsi de suite, quelle est votre attitude à vous? Est-ce que vous vous accroupissez avec autant d'efforts que lui? Est-ce que vous vous accroupissez pas? Je fais aussi, Très bien. Je suis donc à tous ceux qui s'accroupissent mais... avec leur à tous ceux qui s'accroupissent et qui essayent de rester discrets, je vais demander du coup un petit jet de dextérité. Voilà, juste histoire de voir comment vous débrouillez pour vous accroupir avec les sacs et votre équipement de défense, ainsi de suite. Il y en a certains qui ont un équipement de défense un peu plus encombrant que d'autres, hein. Je pense à des battes de baseball par exemple. 40, très médiocre. Mm-hmm. Je pense que ma batte va venir taper les marches. C'est une batte en alu, hein, je précise. Ce qui se passe donc, c'est que Alexios, toi, du coup, tu te baisses, tu t'accroupis comme il faut et tu avances. Tu ne fais aucun, même tes mouvements, enfin même tes vêtements ne frottent pas quand tu te baisses. Du coup, c'est mouvement parfaitement organique. Voilà. Et par contre, les autres, du coup, qui suivent son exemple, bon, du côté d'Ashley, a priori, il n'y a pas de problème particulier. Sauf que du coup, il y a une petite suite d'événements là qui se produit malheureusement. C'est que en effet, bon, ça commence par Dwayne, malheureusement, du coup, qui, bon, on pouvait s'en douter que vu que Dwayne a quelques petits problèmes de mobilité, il a une jambe un peu boiteuse, vous vous en souvenez. Donc il se baisse un peu et malheureusement, bon, ça fonctionne pas très bien pour lui, il perd un peu l'équilibre, quoi que ce soit, il tombe pas, ni quoi que ce soit, mais sûrement que l'un d'entre vous, que ce soit Cinda ou Ed, essaye de le tenir, quoi que ce soit, pour pas qu'il s'effondre sur sa jambe. Et malheureusement, ça provoque une suite d'événements qui est que ben, la batte de Ed, qui tenait dans l'autre main, tape juste du bout de la batte sur une des marches, avec un « ting ». Et Cinda, ben, de ton côté, du coup... sur la surprise aussi de ce son-là, tu fais un espèce de petit dérapage d'un des deux pieds pour te placer le moment où on se fige, et ça provoque un espèce de frottement sur le sol, du coup, qui rajoute à ce bruit-là. Est-ce que vous continuez votre mouvement ou est-ce que vous figez juste tous immédiatement pour voir s'il y a un problème ou... Moi, je me fige. Mm-hmm. Moi, je me retourne, je le regarde, je fais... Je me fige je et en place. Je me fige et je fais ça à Alexios. Moi, je me... Il lâche la batte. Non, je m'excuse, ouais. Avec un regard, enfin une face un peu genre désolé. C'est la faute de Dwayne. Bah moi je dois m'asseoir 2 minutes sur une marche à cause de la douleur. Je fais juste. Ouais, en effet. Très bien, du coup, vous vous figez tous, tandis que Dwayne s'assoit pour essayer de faire passer la douleur qui a été un peu soudaine, du coup il n'avait pas prévu de s'accroupir aussi soudainement. Et je vais demander un jet d'attention, mais seulement à ceux qui ont bon ou très bon en attention. Ceux qui ne l'ont pas n'ont pas accès à ce jet. On va la jouer un peu Skyrim. Pour ça, je demande à Dwayne s'il va bien, quoi. Enfin, est-ce que je peux parler. Le faire ou pas? Vu que j'ai très bon. Tu peux le faire. Bah oui, oui, vas-y. Ou bah 91. Mmh. Même avec très bon. Intéressant. Du coup, il y a que Ashley et Dwayne qui ont bon ou très bon. Attention, on est d'accord. Que je vois pas d'autres jets, très bien. Bon, du coup, Dwayne, de ton côté, même si t'essayes d'être un peu attentif à si ça a déclenché quelque chose ou pas, t'es quand même beaucoup trop concentré par la douleur qui s'est lancée dans ta jambe. Et même s'il y avait un bruit, t'entendrais rien. De ton côté, Ashley, toi qui du coup te fiches et reste un peu attentive à la situation, il te semble déjà entendre un espèce de petit écho, surtout à la batte de baseball qui se répand un peu dans toute la cage d'escalier, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et tu n'en es pas trop sûr. C'est un peu un doute. Mais t'as peut-être l'impression qu'Assa semble répondre à un petit... comme une espèce de gargouille léger venu des hauteurs. On y niveau des hauteurs d'ailleurs, il y a quoi? Il y a la cage d'escalier qui continue. En réalité, c'est une cage d'escalier qui est faite de manière à ce qu'on voit pas vraiment ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez, c'est une cage d'escalier très serrée. Ok, ok, oui, d'accord, je vois. Est-ce qu'il y a le droit d'entre guillemets, tu sais, j'imagine dans ces cas-là, quand t'entends un petit truc, tu te focalises dessus. Est-ce qu'il y a moyen qu'on retente le truc, genre tout en écoutant un peu plus attentivement ou en demandant légèrement, en faisant signe aux autres de baisser le son? Je te permets un G pour préciser, pour confirmer ça. J'ai fait 20, donc je suis bon. Ok. Il te semble, en faisant signe aux autres, vraiment d'arrêter tout bruit. Même Dwayne arrête de toucher un peu sa jambe pour essayer de voir s'il peut pas arrêter la douleur. Il te semble en effet bel et bien confirmé qu'il y a un gargouillis léger venu d'en haut. Ça n'a pas l'air d'être un gargouillis excité ou quoi que ce soit, mais ça semble quand même avoir réveillé quelque chose. On se cache un signe de doigt au niveau du nez pour le côté. Je pense que je me tourne mon attention vers Alexios, qui a l'air clairement d'être la personne à suivre, et voir si pour lui c'est du coup trop risqué de continuer à avancer. Je pense que ce sera le cas, ou s'il veut qu'on recule. Enfin, ou est-ce qu'il faut reculer, est-ce qu'il faut rester immobile et plus faire de bruit. Je regarde. Donc, il nous a bien précisé que ça venait de là-haut, pas de en bas. Oui, ça vient d'en haut. Je pense que je pointe du doigt. Je fais tout en langage des signes. Je leur fais geste qu'on va continuer à descendre, mais qu'en haut, c'est mort. On ne monte plus. Donc il faut espérer qu'il n'y a pas le laboratoire là-haut pour récupérer les médocs, parce qu'on ne pourra pas récupérer les médocs. C'est pas le labo qu'on veut, c'est la fin. Très bien. Donc, du coup, vous continuez votre marche vers les profondeurs, donc si j'ai bien compris. Et on si jamais on attention aux panneaux. Parce qu'il y a même dans les escaliers les panneaux et tout. Nouveau service. Très bien. Ouais, on fait attention à ça. Très bien, donc vous continuez dans l'escalier, descendant vers les profondeurs. Vers un destin obscur. Et mis à part en effet qu'à certains moments vous avez à éviter dans l'escalier un fauteuil roulant qui fait obstruction ou telle chose, vous continuez à avancer. Vous ne tombez jamais sur un cadavre ou que ce soit, quel que ce soit. Peut-être une bonne nouvelle, peut-être une très mauvaise nouvelle. À vous de voir comment vous l'interprétez. Est-ce qu'il y a des traces de sang, des trucs comme ça? Il arrive en effet qu'à certains moments, il y a des taches de sang. C'est pas abondant, mais ça arrive. D'accord. Séché cependant, c'est-à-dire qu'il est noirci ou quoi que ce soit. Genre des traînées? Une traînée au sol ou sur les murs ou quelque chose qui serait frotté, On est plus de l'ordre de quelqu'un qui aurait eu une blessure et qui aurait continué à marcher. D'accord. Voilà. Après, il y a certains où c'est juste des petites taches et d'autres où c'est quelqu'un qui s'est né abondamment. D'accord. Non, il n'y a pas de traînée de corps qui aurait été déchiqueté ou quoi que ce soit. Et au niveau des gargouilles, enfin au niveau des bruits, j'essaie d'écouter un peu pour voir si c'est quand on descend, s'il n'y a pas quelque chose autour de nous. C'est quand on est à un étage. Je peux me faire un jet d'attention, toi qui veux te concentrer là-dessus. Sur les autres, en particulier ceux qui ont échoué au dernier jet de dextérité, je vais vous proposer de refaire un jet de dextérité. Ceux qui ont réussi n'ont pas besoin de le refaire. Très bien, très bien. Donc, mis à part Ed qui donne des coups de baseball dans les murs. Ouais, non. A priori, de ton côté, en tout cas, Alexios, t'essayes d'écouter un peu les bruits. T'entends rien aux alentours immédiats. Il y a certains moments, dans les passages les plus silencieux, tu sembles en effet pouvoir confirmer ce qu'a dit Ashley sur un gargouillis venu des hauteurs. Mais tu saurais pas, en restant en mouvement, savoir si ça s'approche de vous ou si c'est resté immobile. Pour ce qui est des autres, dans votre progression accroupie dans les escaliers, vous vous êtes amélioré, en effet, l'erreur vous a appris. Vous avancez de manière assez fluide, sans faire trop de bruit. Bien entendu, vos vêtements à vous continuent à frotter, ainsi de suite. On ne peut pas tous être Alexios. Et bon, du côté de Ed, c'est celui qui fait le plus de bruit, malheureusement. Mais on n'est pas non plus sur des bruits qui attireraient l'attention dans une zone particulière. Voilà, il tape pas sa batte de baseball sur les murs, on va dire juste que il a du mal, ses pieds frottent sur certaines marches, il y a des moments où il tape un peu contre certains obstacles, quoi que ce soit, mais pas des obstacles qui font un bruit énorme. Alors, il se débrouille pas super bien. Vous pouvez vous dire que si quelque chose est déjà attentif et en train de s'approcher, il pourrait peut-être vous localiser grâce à ça. Mais si c'est quelque chose d'éloigné ou qui n'est pas forcément concentré sur vous, ça n'alerterait personne. Vous continuez votre descente et vous restez attentif aux différents petits panneaux, aux indications qu'il y a dans les escaliers. Et semble confirmer en effet que pour ce qui est de la partie pharmacie, radiologie et ainsi de suite, il faudrait en effet s'orienter vers les étages les plus bas, du coup, rez-de-chaussée et premier étage. On va commencer à s'arrêter au premier étage. Premier étage, on va s'arrêter et on va rentrer dedans. La porte, elle est fermée ou... Eh bien, vous allez élire un représentant et ce représentant va nous faire un jet de chance. Qui a un bon jet de chance ici? On ne sait pas, c'est ça la blague. C'est un peu difficile de savoir si t'es chanceux ou pas dans la vie. Mais moi je vote pour Alexios en représentant parce que c'est un peu le meneur du groupe. Quoi. D'accord, oui. Ouais, moi aussi, ouais. Allez, Alexios fait. Il est médiocre. Et là, il est très médiocre en chant. Et là, on est dans la daube. Ok, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu peux nous le dire vu qu'il y a que toi qui jette. 60 et j'ai moyen. Ok. Donc, en arrivant au premier étage, après une descente où aucun bruit ne s'est fait au-dessus de vous, plus que le gargouillis qui était de plus en plus éloigné, vous arrivez devant cette porte. Et c'est là que vous tombez sur votre premier cadavre de la journée. En effet... Cadavre debout ou par terre? Non, pas debout. Sinon, je vous l'aurais dit autrement. Vous tombez en effet sur un cadavre qui est adossé contre la porte. Un cadavre qui, a priori, n'a plus la partie supérieure de son crâne. Voilà. La partie bleue que vous pouvez, c'est la racine du nez et au-dessus, il n'y a plus rien. Les traces de sang qui recouvrent le reste de la porte semblent indiquer que cette personne ait choisi un échappatoire rapide. Est-ce que je peux me permettre juste de regarder s'il n'a pas genre des traces de morsures ou des trucs qui pourraient montrer qu'il s'est... T'es fait attaquer ici ou pas, si possible. Eh bien, tu peux te rapprocher du corps et essayer de l'ausculter sans trop le toucher. En effet. Ouais. En faisant un petit jet de... Alors, on va inaugurer un peu le jet de connaissance, on va dire, même si, bon, je vais être gentil parce que des morsures, ça se trouve quand même. Mais c'est pour l'inaugurer. Voilà, on va essayer d'inaugurer tous les jets possibles. Mmh. Alors, 97 est très médiocre. Génial! Alors là, même en étant gentil, je peux pas faire grand chose. Ouais, là, tu peux pas m'aider. Donc, tu t'approches et il semblerait que le corps ne soit pas récent. Il a l'air très vieux. Et du coup, il est pas mal décomposé, il est pas mal séché, il est pas mal recouvert de sang et ainsi de suite. Donc trouver une morsure ou quoi que ce soit nécessiterait sûrement de l'ausculter véritablement, c'est-à-dire de commencer à le toucher, à observer et ainsi de suite. Ce que t'as peut-être pas envie de faire. Non, pas trop. Non. Du coup, je regarde Ed. Je fais. Oh, je voulais voir s'il avait pas été mordu, mais. Oh, le corps est trop vieux, c'est pas possible de vraiment s'en rendre compte si c'est une blessure ou si c'est une morsure, désolé. En tout cas, va falloir faire gaffe. Bon, rentrons. Traîner, je mets là, quand même la tête contre la porte pour voir s'il n'y a pas quelque chose de... avant d'ouvrir quand même. J'ai pas trop envie qu'on se retrouve quelque chose en fait. D'accord. Donc là, pour l'instant, vous avez toujours pas dégagé le corps, on est d'accord? J'ai pas raté l'information. Ouais. Okay. Donc tu te rapproches de la porte en collant ta tête à la porte, donc en te rapprochant un peu du corps, du coup, de manière assez inquiétante ou assez dégoûtante en fonction de comment vous placez votre réflexion. Et fais-moi encore un jet d'attention. On va beaucoup utiliser l'attention dans cette session a priori. J'ai fait 8. 8 en attention. Et j'ai moyen. Et tu as moyen. Eh bien. Eh bien, j'entends un concert de Metallica à l'intérieur. De l'autre côté, il semblerait que tu n'entendes pas grand-chose parce que les portes de l'hôpital, ou en tout cas de la cage d'escalier, sont des portes assez imposantes, assez lourdes, qui ne laissent pas passer grand-chose en réalité. Bon, c'est quoi, c'est genre des portes coupe-feu ? Oui, c'est bien possible. Ouais. Voilà. Du coup, je regarde Ed et je montre le cadavre. Ouais. Je prends les bras et je le regarde pour qu'il prenne les pieds. Ah ok, bah je prends les pieds, y a pas de problème. Moi, tu me dis, je le fais. Ok, très bien. Je fais ça un jet de force. Non, on je vais pas vous embêter avec ça, voyons. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Que le cadavre vous échappe des mains, qu'il aille s'éclater tout en bas des escaliers en faisant un maximum de bruit? Ah, on sait jamais. Enfin, en tout cas, je suis plus dans mon domaine. Je vais juste vous poser la question de est-ce que vous décalez juste à peine le corps, du coup, pour le traîner un peu plus loin, juste hors de la porte, ou est-ce que vous l'éloignez vraiment un maximum pour avoir un maximum de mouvement possible sans trébucher dessus? Genre... Très très doucement, je lui dis, tu veux qu'on le mette où? Je le regarde, je fais là, de l'autre côté, pas à côté de la porte. Donc très loin, pour éviter qu'on marche dessus. Genre à 3 mètres de la porte, 3 mètres sur le côté quoi. Ouais, c'est ça. Vous faites dans la cage d'escalier. Non, bah on le met à 3 mètres de la porte. Eh bien, félicitations, vous avez choisi l'option qui va nécessiter en effet un jet parce que vous le déplacez sur une distance un peu plus longue, du coup. Yes. Donc, je vais vous demander à tous les deux un jet de. Non pas de force. Quoique, oui, de force parce que c'est pas un effort. C'est pas sur le long terme. De force. En 22, en très bon. Ok. 16, en. Hein. Très médiocre. En mauvais. Ah. Mais t'as fait 16, c'est ça? Okay. Ouais. Ok, très bien. En mauvais. Du coup, vous vous débrouillez, vous prenez chacun donc de votre côté, Alexios les bras et Ed les pieds, vous le soulevez au-dessus du sol et vous l'amenez le plus loin possible de la porte, de l'autre côté de votre étage de cage d'escalier. Et malgré un moment où, de ton côté, Alexios, t'as eu l'impression qu'un des bras que tu tenais allait lâcher, t'avais commencé à sentir quelques tendons ou quoi que ce soit commencer à se défissoler, se disloquer, malgré ça, vous arrivez quand même à l'amener à bon port sans qu'il s'effondre au sol ou quoi que ce soit. Et vous êtes bien fiers de vous. Tant mieux. Pour moi, c'est... Très bien, on fait un check et on fait... Du coup, je réfléchis à comment on peut ouvrir la porte. J'en discute avec Ed. Bah, parce que je me dis, comme c'est une porte assez lourde, Si on fait ça, ça va pas. Surtout le. Sur tous les étages. Comment ça, ça peut grincer. Une porte comme ça peut grincer. Oui, bah, déjà. S'il y a des particulièrement bricoleurs, mais. Il suffit de regarder tout simplement si elle touche le sol ou si elle touche le plafond. Et si jamais il y a du jour. Je me permets, moi, mais si jamais il y a du jour entre le sol et le plafond, c'est que la porte va pas raquer. Et qu'on est bon. Est-ce que c'est les portes où il y a des trucs en plastique ou quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui sont souples en dessous, quelque chose comme ça. Vous savez, les portes battantes, là. C'est une coupe-feu, hein. Donc, ça touche le plafond c'est, et ça c'est le bas. Les, enfin, c'est des portes imposantes dans ce sens. Donc, il ne doit pas y avoir de partie molle, si tu veux ce que je veux dire. Ok, bah, suffit juste, dans ce cas-là, de regarder s'il y a du jour ou si. On regarde de ça. Ok, je vais pas vous faire faire 2G pour ça. D'après votre observation, a priori, s'il n'y a pas d'obstacle ou quoi que ce soit de l'autre côté pour la porte, il n'y a pas de raison que ça fasse un bruit particulier. Ok. Je regarde Ed et je lui dis, j'espère que t'as été à l'église avant. Je sors mon pistolet. Okay. Si tu veux, je peux moi commencer un peu à ouvrir la porte. Si elle est assez imposante, d'essayer de moi essayer d'ouvrir la porte doucement et je te laisse regarder ou jeter un œil. Ok, bah je laisse faire, mais j'essaie de me mettre un peu au-dessus de lui avec une lampe et le pistolet comme ça, tu sais. Si jamais il y a un truc qui essaie de l'attraper, ben j'ai pas le choix de me tirer quoi. Comme c'est un dernier recours. Ok. Du coup, la porte s'ouvre et vous deux en première ligne, vous observez du coup un premier étage qui est du coup assez différent des étages les plus hauts auxquels vous avez visité, parce que ce premier étage a plus un air de ben justement d'air ouverte. En effet, de ce que vous voyez, le rez-de-chaussée et le premier étage ne sont pas forcément séparés par un plafond à proprement parler. Il y a une grande zone ouverte avec un escalier qui mène directement du rez-de-chaussée premier étage. Et vous, ce à quoi vous avez accès, c'est surtout des balcons, comment dire, pas vraiment des balcons, mais vous savez, ça fait le tour du coup de l'air et ça mène de chaque côté à différentes salles. Des balcons, quoi. Mmh. Voilà, c'est pas vraiment des balcons parce que c'est un seul grand truc dans lequel vous pouvez aller de l'un à l'autre. Mais... Ok. Voilà. Ouais, c'est... Voilà. Ce qui va multiplier le nombre d'informations auxquelles vous pouvez avoir accès maintenant. Du coup, à tous ceux qui s'aventurent à regarder par la porte, c'est pas forcément vous deux en premier, mais je vais vous donner quand même certains bonus parce que vous êtes en première ligne pour les deux. Tous ceux qui veulent regarder par la porte vont me faire un jet d'attention et on va voir combien d'informations vous pouvez récolter. Du coup, bah, c'est surtout Alexios, Dwayne et Ed, parce qu'il est en première ligne, donc il bénéficie quand même d'un petit bonus. Vous trois, vous vous rendez... attends, je vérifie juste pour Ashley. Oui, bah Ashley aussi, en réalité, Ashley aussi. Ah oui. J'avais pas vu son G. Ashley, du coup, Ashley... Comme d'habitude, mais c'est là, elle reste en... Donc Ashley, donc, vous avez accès donc aux informations suivantes, c'est que que ce soit dans le hall ou à votre étage, il y a beaucoup plus de détritus, de signes de lutte, d'objets renversés, même certaines vitres qui auraient été brisées et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur une zone beaucoup plus dévastée et aussi potentiellement beaucoup plus bruyante dans vos mouvements. Pour ceux qui ont eu les meilleurs résultats, vous pouvez aussi remarquer qu'a priori, au rez-de-chaussée, a l'air de traîner deux ou trois corps qui sont au sol. Difficile de dire s'ils sont simplement immobiles au sol, mais bien actifs, ou s'ils sont morts-morts. Voyons voir, je vérifie un petit peu. Hop. Et c'est Dwayne le premier qui remarque d'un coup d'œil que la pharmacie semble se trouver donc au rez-de-chaussée, en réalité pas très loin de l'accueil lui-même de l'hôpital. Alexios. Oui. Oui, non mais je t'écoute. Je suis concentré regarde. Pour éviter que. Ah, il y a la pharmacie. Oh, je regarde. Ah, je sais là. Ouais. Le problème c'est qu'il y a trois Maccabées en bas, on sait pas. De toute façon, moi je vais essayer de trouver la radiologie. Peut-être qu'on pourrait se séparer. C'est une bonne idée. C'est une mauvaise idée de se séparer. Bon bah. Est-ce que. Continuons à chercher la radiologie dans ce cas. Et puis ensuite on ira. On va à la pharmacie et on ira chercher la radiologie si tu veux. Non non mais attends, on n'a pas vu si c'était là. Autant éviter de retourner sur nos pas. Fouiller le premier étage, on va voir. T'as pas vu tout le nombre de verres qu'il y a? Oui bah alors s'il y a radiologie, s'il y a radiologie. On fait juste. Ok. Alors, moi, je veux trouver la radiologie. Ok, très bien. Alors, attention, il y a quelqu'un qui a un truc qui frotte sur son micro. Ouais. Du coup, de ton côté, pour chercher la radiologie, je vais te demander un autre jet d'attention. Et on va voir si je peux le trouver assez rapidement ou pas. On va profiter de ce temps pour demander aux autres. Enfin, qu'est-ce que vous décidez de faire du coup? Oui. Bah, je l'explique à Ashley et à Cinda. Moi, au niveau des résultats, j'ai 73. Ouais, j'ai pas entendu exactement ce que tu as dit, Enoir. Du coup, je disais que j'expliquais ce que nous on voyait. Cinda, Ashley, ceux qui sont inquiétés. Les deux qui étaient derrière, quoi. Pour leur détailler un peu comment ça se voulait. Ok. Qu'est-ce que tu préconises? Vous pouvez continuer. Du coup... Du coup, ce que je disais, c'est faudrait peut-être regarder au rez-de-chaussée s'il n'y a pas de morceaux de verre qui traînent. S'il n'y a pas de morceaux de verre, on passe par le rez-de-chaussée parce que par le premier étage, on a un gros risque de se faire repérer. Vu qu'il y a des vitres brisées et tout ça. À moins que vous voulez jouer au Time's Up, mais... oui, j'ai pas trop envie de jouer au Time's Up. Ouais, non, c'est pas le moment. J'essaie de mettre un peu du pour détendre l'atmosphère. Je rigole très fort. Non, je j'étais tellement hilarant. J'explose de rire. Et je tue Ashley. Elle a rigolé trop fort. Non, j'acquiesce et du coup, bah, je suis pour passer au niveau du rez-de-chaussée aussi. Ouais. Oui, mais de toute façon, ouais, je pense que c'est le plus intéressant. Parce oui. Moi, je suis déjà parti un peu. Je me suis déjà un peu éloigné au niveau du premier. Ok, très bien. Bon, je vais me concentrer un peu sur Dwayne pour l'instant. Dwayne, du coup, de ton côté, tu t'es un peu aventuré un peu plus loin que l'entrée du premier étage pour regarder un peu aux alentours si tu pouvais trouver la radiologie. Et t'as eu un peu de mal, en effet. T'as dû. Un peu t'aventurer un peu plus loin que le reste du groupe du coup, le temps qu'ils décidaient ce qu'ils allaient faire, mais tu tombes finalement en effet sur une indication, un petit panneau qui t'indique que la radiologie est bel et bien au premier étage et elle est a priori un peu plus loin, elle est pas directement dans la partie frontale du premier étage. Ouais, je signe aux autres de se ramener et on s'approche discrètement. Très bien. Donc du coup, si j'ai bien compris, vous partez sur l'idée... partez sur l'idée de suivre Dwayne vers la radiologie avant de descendre au premier étage pour avoir la pharmacie, ou vous voulez vous séparer? C'est à vous de me le dire. Alors, moi, pour l'instant, je reste au niveau d'Alexios parce que l'idée était que en fait, ça serait trop bruyant de passer par là et que ça puisse amener la merde. Dites-moi du coup si vous vous séparez, si vous voulez... Et le problème, moi, je suis parti pour Yann qui nous fait signe de venir. Maintenant, si jamais Alexios se semble contre, je vais rester avec le groupe principal. Moi, après... étant donné que il nous a mis en garde sur le fait que c'est assez bruyant de passer par là et que clairement j'ai énormément de mal à évoluer de façon furtive dans ce genre d'endroit, pour ma part, je pense qu'il serait mieux de mon côté que je passe par l'endroit le plus facile pour ne pas faire de bruit. Après, s'il faut suivre le groupe, je suis le groupe parce que... Voilà, mais de mon avis, c'est ça. Moi, je le regarde, je fais... avec le signe, c'est avec le pistolet, je fais... Dans ce cas-là, moi, j'ai ma réponse parce que, par contre, je suis pas chaud du tout pour se séparer. Pour moi, c'est la pire des idées. Mais je continue. Je fais un signe de croix. Ok. Donc, du coup, Dwayne vous indique très rapidement en s'éloignant de lui-même qu'il est concentré sur la radiologie et que du coup, si vous voulez pas être sûr, il va se débrouiller tout seul pour le moment. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi il voulait aller à la radio. Ça, vous la... on verra, vous le verrez plus tard. Il veut récupérer l'uranium. Il veut faire une radio de sa jambe parce qu'il boite. Putain, c'est pas le moment d'allumer. Ah, j'ai envie de faire un IRM là. Petite échographie. Allez. Du coup, moi je leur fais signe qu'on va descendre au rez-de-chaussée tout en étant silencieux. D'accord. Du coup. Je vais demander un jet à tous ceux qui descendent l'escalier, du coup, pour encore un petit jet de dextérité, donc pour la discrétion. Et ensuite, je vais vous dire la marche à suivre qu'on va prendre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le 13 me suit énormément. Donc, est-ce que ça doit porter malheur? Je sais pas. Ou jouer au loto, peut-être. C'est dextérité, c'est ça? C'est ça. En vrai... C'est une descente assez propre que vous me faites là pour le moment. Enfin oui, de toute manière, avec vous. C'est très propre comme descente là que vous me faites. Attends, il reste encore le jet de Ghosted. Hein. Ah non, non. Mais c'est... il est passé non, non. Tout est bon. Regarde le jet de Ghosted. Tout est bon. Le seul qui pourrait être un peu inquiétant, c'est celui de Cinda, mais il est pas dégueulasse non plus. Donc, vous enclenchez la descente. Vous avez une certaine chance parce qu'il n'y a pas grand-chose sur l'escalier qui obstrue quoi que ce soit. Il n'y a pas de lit ou de civière ou quoi que ce soit qui barre la route ou qu'il faudrait éviter. Et vous descendez du mieux que vous pouvez en évitant certaines zones où des vitres brisées au-dessus sont tombées sur l'escalier ou quoi que ce soit. Vous passez par l'endroit où c'est un peu plus propre et vous atteignez finalement le rez-de-chaussée. Et maintenant, voilà la manière dont nous allons procéder. C'est que je vais diviser aussi en termes de ce que vous pouvez entendre et ou pas le groupe. Voilà. Et c'est à Dwayne pour l'instant que je vais demander de s'isoler. Voilà. Parce que ce sera plus rigolo quand il sera tout seul. Donc, à ceux qui descendent, vous atteignez le rez-de-chaussée et vous voilà finalement dans l'accueil, qui n'est pas un accueil non plus extrêmement large. Vous voyez, il y a de quoi faire un premier étage et rez-de-chaussée qui est relié par un espèce de hall, mais en termes de largeur, il n'est pas incroyable non plus. Donc c'est assez étroit, qui ne donne pas une distance très, très reposante entre vous et les trois corps qui sont étalés dans le hall directement. D'ailleurs même, je pense pouvoir vous dire en effet, de manière très sûre, que si vous voulez vous diriger directement vers la pharmacie, vous allez presque devoir longer l'un d'entre eux. Je jette un œil autour de nous et je voudrais vous savoir si j'arrive à voir ne serait-ce qu'un bâton ou quelque chose de long et pointu qui pourrait me permettre genre de planter. Même un manche de balai, hein. C'est un peu ce que j'allais dire, parce qu'en soi on est plus que si jamais on saute sur chaque corps. On a l'habitude ou pas de tuer des zombies en vrai? On sait qu'il faut attaquer le cerveau, il me semble. Comment retrouver dans une situation? Parce que en vrai, le moins risqué, c'est de se jeter sur les trois corps et de les éliminer, mais ça me paraît trop compliqué à mettre en place comme truc. C'est une bonne question. En deux mois, on en est où en fait en termes de connaissances? Parce qu'on vit surtout en communauté. Enfin, il y a certains qui étaient nomades un peu. Vous savez déjà, en effet, en tout cas, que sans tête, ils sont foutus. Ouais. Voilà. Et que c'est beaucoup plus compliqué de les flinguer par d'autres moyens. Je regarde si je trouve quelque chose, un manche de balai ou... Eh bien, je vais te demander un jet de chance si tu veux trouver quelque chose comme ça. Et pour qui que ce soit qui veut essayer de trouver une arme plus pointue que ce soit, ce sera la même chose. Alors 26 médiocre. Moi, j'ai un canif. 26 médiocre. 26 médiocre, ok. Eh bien... Moi, je fais rien, j'ai juste le flingue pointé vers eux. Ok. T'aperçois du coin de l'œil quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est un espèce de brancard, enfin de lit d'hôpital dont les pieds sont rétractés en dessous. Ouais. Qui est dans un coin de la pièce, pas trop loin non plus, qui a l'air d'être un peu démonté et du coup les accoudoirs qu'il y a sur le côté, les rambardes ou quoi que ce soit pour éviter de tomber. Ouais. Sont un peu démontés à un endroit et tu penses pouvoir du coup retirer et avoir du coup une espèce de tige en ferraille que tu pourrais avec de la force planter. Elle est pas pointue mais en faisant un coup comme ça pourrait... Ouais, bah du coup je vais essayer de me diriger de la façon la plus safe possible, enfin essayer de éviter un peu tout ce qui pourrait faire du bruit et aller justement vers ce brancard et essayer de récupérer justement cette partie là Très bien. Voilà. Du coup, je vais te demander un petit jet de dextérité, encore une fois, vu que tu veux faire ça dans la discrétion un peu. Les autres, vous l'attendez a priori ou vous allez vers la pharmacie? Non, on va vers la pharmacie. Moi, je vais vers la pharmacie. Bah, okay. On s'est déjà séparé une fois, ça serait bien de laisser personne à l'arrière. Non? Alors, là, on parle pas de se séparer, on parle juste de quel écart il y a entre vous. Quoi. Moi, je préfère qu'on reste groupé quand même. Ouais, pareil. Okay. Dans tous les cas, j'irai jamais devant Alexios, je laisse mener la marche. Du coup, j'ai 54 très médiocre. Ok, très bien. Tu traverses la distance qui est entre toi et ce lit d'hôpital en marchant sur quelques papiers, a priori. Quand on a essayé de partir avec des dossiers, il en a étalé un peu partout. Donc, t'as ce petit bruit de papier qui reste collé sur la chaussure et qui retombe au sol, le type chut, chut. Ouais. Génial. Le bon petit son qui inquiète un peu. C'est ça. Faire un petit jet, tiens. Très bien. Du coup, sur ton chemin, mis à part ces bruits de papier, bon, tu ne produis pas quelque chose de plus, et t'arrives au niveau du lit, tu saisis la barre dans tes mains pour voir à quel point elle est bien accrochée au lit, et tu remarques que si en effet elle est cassée d'un côté, de l'autre côté, elle semble être encore... bien enclenché à l'intérieur, ça nécessiterait du coup de tirer un coup ou de faire pression avec le pied ou quoi que ce soit pour la tirer, occasionnant possiblement quelques bruits. Si t'as besoin d'aide niveau force, j'ai une chaîne de vélo qui te permettrait de... Bah après en force, j'ai pas de doute sur ma force, c'est plus sur la furtivité du veste que j'ai du doute. Mais en force, je pense que ça devrait aller, mais... Je vais essayer. De toute façon, je suis allé pour ça. Maintenant, je tente. Hein. Écoute, on verra. Donc, je te fais quoi? Un jet de force? Oui, un jet de force. Alors, 22. Oh, très bon. Pas mal. Oui. Très bien. Du coup, tu tires un petit coup sec, bref et puissant dans cette barre. Et tu la retires complètement de la manière dont elle était enclenchée dans le lit, sans faire aucun bruit de plus qu'un petit bruit de frottement de métal, un petit... Mais c'est très propre. Ça va. Du coup, une fois que j'ai la barre, ben, je reviens au niveau du groupe. Et une fois revenu sur mes pas, très discrètement, je leur dis... Je leur fais savoir, genre, je remonte la barre et je leur remonte la tête et je fais ça. Genre, je vais planter la barre directement dans la tête, un coup sec, pour que, voilà, si jamais ils étaient encore en activité, genre, normalement, un coup de barre dans la tête, on est sûr qu'ils se relèveront pas, logiquement. Je me recule quand ils s'apprêtent à faire ça. Ok. Du coup, il y a Ashley qui recule, Cinda aussi. Ok, ben moi je pointe mon flingue au cas où. Ok. Je recule un tout petit peu. Par précaution. On va éviter de... Ok, très bien. Bon, du coup, vous remarquez, pour quelqu'un qui avait dit qu'il voulait jamais utiliser les armes, Alexios a bien pointé des choses. Il a toujours un flingue dans la main, c'est ce Il faut être futur avec autre chose qu'une arme. J'ai mon arme. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Et toi, du coup, de ton côté, Ed, a priori, tu veux t'approcher donc du cadavre qui vous fait barrière et lui péter le crâne. Très bien. Juste ouais, lui perforer le crâne. Mais juste perforer le crâne d'un coup sec. Hein. C'est ça, très bien. Eh bien, du coup, je vais te demander à la suite un jet de dextérité pour la discrétion de ton approche et ensuite un jet de force pour l'efficacité de ton coup. J'ai 44 en dextérité, en très médiocre, et 16 en force. Ok. Tu peux me redire ta dextérité ? 44. 44 et t'as... 16 en force. J'ai très médiocre, pardon. D'accord, très bien. Donc du coup, tu t'approches de nouveau du corps, toujours en repassant par le même chemin que tu as fait. Donc tu rebrouilles encore un peu les papiers, qui font encore ces petits bruits. Et tu t'approches du corps qui, a priori, n'a pas réagi ou quoi que ce soit. Il est toujours inerte. Et d'un coup, tout aussi vif, sec et puissant que celui avec lequel tu as retiré la barre, tu plantes la barre dans autre chose, c'est-à-dire le crâne du corps. Ouais. Cependant, en effet, ta dextérité fait que le coup, en effet, semble bien avoir perforé le corps. Cependant, il semble avoir bien perforé le crâne, ce qui occasionne un petit coup sur le sol lui-même à travers le crâne. Okay. Okay. Donc ce n'est pas un son non plus terrible. Ça fait un son sourd. C'est surtout un ting. Ouais, ok. Et ça fait, il y a un petit résonnement tout de même dans le, en tout cas dans le hall, il y a un petit résonnement. Je vais demander à tous ceux qui sont dans cette pièce de me faire un jet d'attention. Moi aussi. Oui, du coup toi aussi. Voilà, et de le faire du coup parce que c'est en plusieurs. Ouais. 43 en médiocre. C'est dingue. Ouais. Ok, donc on a ça un 10 bon, 93 très mauvais, 60 moyen. Ok. Du coup, Ashley, on va dire Alexios aussi, Ashley et Alexios, Après ce coup, donc bien entendu tout le monde se fiche de nouveau, j'imagine. Mais vous deux, vous entendez assez distinctement que bon, l'écho n'est pas seulement dans le hall, mais qui semble aussi résonner du coup dans les petits couloirs du rez-de-chaussée et dans ceux du premier étage. Ce à quoi toujours un gargouillis semble répondre. Pas directement dans votre pièce, mais quelque chose a été réveillé. Je fais signe qu'on aille dans la pharmacie. Regarde s'il n'y a pas une chose comme ça dans la pharmacie. Ouais, on y a, et comme ça, une fois qu'on a vu rien, on prend tout et on se casse. Très bien. Okay. Du coup, vous dirigez vers la pharmacie. Pharmacie dont du coup l'accueil lui-même de la pharmacie est absolument brisé. Il y a déjà les vitres qui ont été enfin le plexiglas, c'est quoi, tout ce qui faisait la séparation, qui ont été démontés, mais aussi dont la porte juste à côté a été retirée de ses gonds et gît au sol. Donc vous vous aventurez à l'intérieur, j'imagine, après avoir vérifié qu'il y a priori avait rien à l'intérieur. Et en effet, il n'y a pas l'air d'avoir de danger ou de corps ou quoi que ce soit. Vous vous aventurez à l'intérieur et je vais vous faire un petit jet de chance pour qu'est-ce qu'on peut y trouver. Ensuite, vous aurez déjà à faire, vous inquiétez pas. Très bien. Et à premier coup d'œil, vous remarquez que de toute évidence, parmi les gens qui ont quitté l'hôpital dans les premiers jours et dans les alertes, tout ça, il y a forcément des gens qui ont récupéré des choses, hein, c'est la première chose auquel on pense quand on est dans un hôpital. Donc toutes les étagères ou que ce soit ne sont pas remplies, mais en effet, il y a des médicaments assez intéressants, il en reste encore quelques-uns, certains au sol, certains toujours sur les étagères. Est-ce que vous vous jetez dessus ou... Je vous propose de pas se jeter dessus. Je sors mes bandages de boxe pour envelopper mes mains. Comment ça tabasse les gens? Pour boxer évidemment. Non, pas du tout. C'est pour que ça fasse un peu protection parce qu'on n'a pas de gants, des trucs comme ça. Et pas du tout. C'est juste pour que ça fasse un peu protection. Et notamment, alors pour ce qui est dans les étagères, je propose que vous en occupez, mais moi je m'occupe que ceux avec mes bandages, hein, je m'occupe de ceux qui sont au sol, hein, pour éviter le risque d'infection ou de trucs comme ça. Je pense en effet délicat de les prendre et les mettre dans les sacs un par un. C'est pas faire le tout tomber à l'intérieur, vraiment un par un, ça prend du temps, mais de toute façon on est là pour être le plus minutieux et le plus silencieux possible. Parce qu'au-delà de prendre le risque de faire du bruit, et d'attirer potentiellement des zombies, même si en soi des médicaments qui tombent, c'est pas fait pas trop de bruit. Mais aussi l'idée que si on fait du bruit, on peut nous potentiellement ne pas entendre les gargouillis qui sont quand même plutôt discrets. Ouais. Donc on a quand même envie tout le temps en permanence d'avoir une oreille au moins le plus attentif possible. Et je pense que on prend quasiment tout. On essaie de voir au poids si tout a l'air plein ou vide. Maintenant, en vrai, dans le doute, autant la mettre dans le sac. De toute façon, on aura peu de chance qu'on remplisse complètement. On va pas les secouer non plus pour ça s'en assurer. Très bien, très bien. D'accord, du coup, à tous ceux qui récupèrent des médicaments, c'est-à-dire tout le monde, j'imagine. Je suis en train de fouiller la pharmacie, qu'il n'y ait personne. Ok, donc il y a Alexios qui gère la sécurité, tandis que tout le monde, du coup. En vrai, il y en a vraiment beaucoup ou pas? Non, quand même pas. Il n'y en a pas beaucoup. On va prendre tout ce qu'on a, on va pas devoir trier qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on prend, non? Non, il n'y en a pas spécialement. Vous pourriez prendre le temps si vous voulez, mais c'est pas forcément nécessaire. Je pense pas dans ce cas-là. Juste avant de commencer, je donne la barre en fer que j'ai récupérée à Alexios. Puisqu'il se balade qu'avec un flingue depuis le début. Et j'ai l'impression qu'il a rien d'autre que ça. Donc au moins pour être un minimum fufu, si jamais on en a besoin, il aura une arme blanche pour essayer de faire moins de bruit que s'il doit faire. Ah! Très bien. Okay. Ok, ben je prends sa lance et je fais le tour discrètement de la pharmacie. Ok, donc ceux qui récupèrent des médicaments, je vais vous demander un jet, enfin du coup de dextérité, je dirais quand même, parce que J'aurais bien aimé inaugurer un autre jet, mais pour l'instant, ce sera dextérité. Dextérité tout le monde, sauf Alexios, qui va me faire ranger d'attention, vu qu'il reste attentif à ce qui se passe. Et pour moi, c'est 37... A priori, c'est des bons jets pour le moment. 37 très médiocre. Presque une critique, je suis triste. Ok. Mais... Alexios, t'avais pas besoin. Non, Alexios, c'est son attention. Ah, d'accord. Très bien. Du coup, à ceux qui récupèrent les médicaments, vous deux, mis à paraître, du coup, vous faites un travail assez bon en réalité. Hein, travail d'équipe. Vous prenez tout ce qu'il y a à faire. Et vous faites un travail très propre. Pour ce qui est de aide, bon, un peu moins, parce que. En réalité, les rayons à l'intérieur de la pharmacie sont très étroits. Vous pensez que c'est le genre de rayons qui ont été faits vraiment pour la petite pharmacienne minuscule et ultra mince, et ainsi de suite. Ah, je suis comme ça. Dans lesquels on entasse un peu tout. Et donc, Ed, qui est quand même un sacré bonhomme, déjà, il bouge, il peut pas bouger très librement dedans et récupérer les trucs et tout ça, bien sûr, est beaucoup plus lent. Et ça occasionne à un moment certains bruits où son coude tape sur l'étagère de derrière, et ainsi de suite. Mais c'est pas des bruits qui résonnent ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je suis tombé hier et on tombe. Très bien. De ton côté, Alexios, du coup, tu restes attentif, tu fouilles un peu la pharmacie s'il n'y a pas quelque chose de caché quelque part. Enfin, quelqu'un ou quelque chose, en effet. Tu ne trouves rien, tu restes attentif au bruit, tu entends toujours les petits gargouillements qui ont été signalés avant, qui sont toujours au rez-de-chaussée, a priori. Tu as un peu l'impression... que ça se rapproche, mais pas plus de rapproche de manière déambulée, quoi. Genre, ils auraient suivi un écho plus qu'une location particulière. Localisation particulière. Et c'est le moment où... une fois que vous êtes, on va dire, à mi-chemin de votre progression pour ce qui est de récupérer les médicaments, que vous vous figez tous, chacun avec un médicament dans la main, que ce soit que vous venez de récupérer, car en effet, semble retentir un étrange bruit. Un bruit, vous avez du mal à comprendre immédiatement de quoi il s'agit. C'est une espèce de bruit continu, avec quelques variations, et vous avez du mal, parce que c'est vraiment quelque chose... que vous attendez pas de quelque chose comme ça. Ça semble être une espèce de... d'alarme, ou quelque chose comme ça, mais pas une alarme qui est sur votre... qui est pas... Attention, pas l'alarme de la pharmacie. Attention. Genre, et là, je peux dire... Twain. Ouais, c'est clairement l'alarme de la radiologie. Mais il n'y a pas d'alarme dans une radiologie, attends. Moi vous dites des trucs, moi vous me laissez pas terminer, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, en tout cas, je pense à Dwayne. Vous entendez une alarme, elle vous semble quand même assez lointaine, on va dire. Elle a pas l'air d'être à votre étage, ou si elle est dans le bâtiment, elle est à des étages assez éloignés. D'accord. Mais en tout cas, elle est dans votre zone géographique, peut-être aux alentours de l'hôpital si elle est à l'extérieur. En tout cas, elle retentit, lançant la panique et vous empêchant d'entendre le moindre gargouillis de quelque chose qui pourrait avoir été agité. Génial. Est-ce que c'est le temps de dire qu'on va tous crever ? Oui. Très bien. Non, t'as fait. Et du coup, je vais vous lâcher et je vais aller voir Dwayne. Donc toi de ton côté, à partir du moment où ils ont commencé à descendre l'escalier, t'as bien compris que t'allais faire cavalier seul pour cette petite expédition à la radiologie. Et tu as continué ta progression en suivant le panneau qui t'indiquait avec une petite flèche la zone où tu voulais aller. Alors j'aimerais juste te demander, est-ce que tu continues dans ta progression à suivre la démarche Alexios, c'est-à-dire accroupi en faisant attention à quoi que ce soit, ou est-ce que tu te relèves un peu ou non? Je reste sur mes gardes, mais je vois que ça le fait pas, que je fais plus de bruit si j'essaye de la mettre à gear et rester debout. D'accord. D'autant plus pour éviter de marcher sur le verre. Ok, donc tu te redresses, en faisant un peu attention, et tu avances en direction de la radiologie. Je vais te demander un premier jet de dextérité pour ce qui est du verre, en effet, comme ça a été signalé. 29 pour moyen. 29 pour moyen ? Très bien. Donc, tu continues ta progression en évitant soigneusement les zones où il y a le plus de verre, en faisant des décalages à gauche, à droite, et ainsi de suite. Il y a quelques occasionnels petits craquements sous tes pieds pour les petits morceaux de verre vraiment qui est invisible, mais c'est pas quelque chose qui lance une alerte chez toi ou quoi que ce soit. Et tu continues ta progression. Tu passes devant pas mal de portes, certaines qui sont des chambres, certaines surtout des bureaux ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air d'être vraiment la zone la plus ouverte au public. En tout cas pour l'ouverture par laquelle tu passes. Tu penses que la radiologie doit passer par une autre ouverture quelque part ou quoi que ce soit, pour ce qui est des gens. Devant ces portes, certaines sont fermées, certaines sont ouvertes. Je vais te demander un petit jet de chance. 2. Pas mal. Si tu tiens à savoir mon chance, bon. Eh bien, très très bien. Génial. Donc, tu continues ta progression devant certaines portes. En passant devant certaines portes ouvertes ou entrouvertes, tu jettes quelques coups d'œil sans rentrer à l'intérieur, mais juste histoire de zioter en passant devant. Tu vois, dès la première porte ouverte devant laquelle tu passes, une porte qui te permet d'avoir une vue complète sur toute la pièce. C'est une espèce de zone un peu bureau avec des papiers. Et tu vois sur le bureau directement ce qui semble être une trousse de soins qui était en plein milieu de préparation. Quelqu'un était en train de faire une trousse de soins, il n'a pas terminé a priori, mais il y a des choses dedans. Ok, j'achète. Ok. Du coup, tu avances vers à l'intérieur, pas de problème, il n'y avait aucun angle mort dans cette pièce. Tu chopes la trousse de soins, tu la refermes, tu la mets dans ton sac ou tu te l'enfiles directement dans le dos ou quoi que ce soit. Et tu continues ta progression. Très bien. Du coup, tu continues ta progression, bien content de ne pas avoir suivi le reste du groupe qui voulait absolument pas passer par là. Je te passe toutes les portes devant lesquelles tu passes, parce que la plupart n'ont pas grand-chose d'intéressant. Et tu arrives finalement devant ce qui semble être les grandes portes de la radiologie. Elles sont fermées. À clé ou fermées ? Non, juste fermées. T'as pas essayé d'ouvrir pour l'instant, je t'ai juste dit qu'elles sont fermées. Ok, je regarde, je me mets au sol, je me mets à du jour, c'est-à-dire de la lumière qui passe, mm-hmm. Et je regarde s'il y a quelque chose qui bouge, tu vois, une ombre. Voilà. D'accord. Je vais te demander un petit jet d'attention, même si je vais être gentil avec ça. 48 pour très bon. 48 pour très bon, très bien. Du coup, tu observes un peu au niveau des silhouettes possibles, au niveau de la lumière et tout ça. Tu restes attentif aussi au niveau de tes oreilles pour voir si tu entends quelque chose. En termes de silhouette ou de quoi que ce soit, tu ne sembles pas apercevoir grand-chose. Au niveau du bruit, cependant, tu as l'impression d'entendre un bruit, mais qui ne vient pas de l'intérieur. En réalité, tu entends derrière toi un bruit, une espèce de bruit soudain, comme un petit bruit de ferraille qui taperait contre le sol. Voilà. Je me retourne. Tu te retournes, du coup, sur le chemin que tu as fait, a priori, il y a juste le couloir, rien n'a changé. A priori, c'était plus un écho qu'un bruit immédiat dans ton entourage. Tu penses que ça pourrait soit être quelque chose qui a bougé dans une pièce pas loin, ou tes compagnons dans le hall qui sont en train d'ouvrir une porte ou quoi que ce soit, qui ont fait un petit bruit. Ok. Okay, je vais ouvrir la porte. Très bien. Du coup, tu ouvres la porte de la radiologie et s'ouvre à toi, en effet, la radiologie. A priori, sur une des tables pas loin, un corps. qui est allongé entièrement sur le bureau, qui semble avoir été était là depuis un petit moment, parce qu'en effet il est pas mal décomposé, le sang qui a l'air d'en avoir coulé est complètement séché, il a l'air d'avoir été à moitié dévoré, surtout au niveau du bassin, du torse, et ainsi de suite. Il est immobile. Okay. En tout cas. Je cherche la chambre noire et je veux choper un maximum de radios. C'est des feuilles, des radios. Mm-hmm. Ok. Du coup, bon, tu te diriges assez rapidement vers la chambre noire. Hein. T'es dans la radiologie de toute manière, donc c'est pas difficile à trouver. Tu te diriges vers la chambre noire. Tu l'ouvres et tu te jettes sur les radios. Je vais te demander juste un petit jet de chance pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Soit... Oula, j'ai pas... 68 pour bon. D'accord. Je sais pas. Ok. Du coup, ce que tu cherches, c'est juste des radios, les feuilles de radio, et ainsi de suite, donc c'est ça? Oui, des... Enfin, pas des papiers, hein. On parle bien de... Oui, de les... Les trucs transparents et tout ça, quoi. Voilà. Ok. Donc tu vois qu'en effet, à portée de main immédiate, il y en a quand même quelques-unes. C'est pas, a priori, pas en quantité énorme. Peut-être qu'ils sont rangés ailleurs ou dans un placard, ou que ce soit en temps normal. Mais celles qui sont à ta disposition immédiate ont quand même un certain nombre. Pour l'instant, on va dire un nombre respectable. Tu les saisis et tu les places dans ton sac, c'est ça? Très bien. Oui. Du coup, tu les ranges dans ton sac. Pas trop, occasionnant un peu de bruit. Est-ce que tu as autre chose à récupérer dans cette radiologie? Est-ce que je jette un coup d'œil rapide? Alors. D'accord. Tu jettes un coup d'œil rapide dans le reste de la radiologie et autres. A priori, mis à part si tu voulais commencer à fouiller les bureaux pour être sûr, d'un œil immédiat, a priori, non. Pas grand chose d'intérêt. J'y vais. Je sors. Ok. Du coup, je vais te demander juste un autre jet de chance. Tu vas vite comprendre pourquoi. Vas-y. Ça sent pas bon. 40, et il me semble que j'ai bon. 40 et tu as bon. J'ai bon. Très bien. Du coup, tu repars en marche arrière vers la sortie de la radiologie, par le même chemin, pour aller rejoindre tes compagnons... et la sécurité du groupe le plus rapidement possible. Cependant, à tes oreilles vient à présent un bruit lointain qui ne vient pas derrière toi, mais qui vient bel et bien de devant toi et d'assez loin en réalité. À vue d'oreille, tu te dis que ce bruit ne vient pas de l'intérieur du bâtiment, mais des alentours de l'hôpital. Tu entends comme une alarme retentissante. Tu te mets à courir tandis que l'alarme commence à faire écho de plus en plus dans les couloirs. Je vais faire un petit jet. En traversant les couloirs, en courant du mieux que tu peux, d'ailleurs je vais te demander un jet d'effort. Ok. Avec bon. Très bien. Du coup, tu te mets à courir, sortant de la radiologie et courant dans le long couloir que tu as emprunté pour aller rejoindre de nouveau, pour aller rejoindre l'escalier vers le rez-de-chaussée. Tu entends à certaines portes, certaines qui étaient fermées, certaines qui étaient entrouvertes, dans lesquelles tu n'étais pas aventuré, que ça semble se mettre à remuer, maintenant qu'un bruit continu se fait entendre. Tu continues à courir du mieux que tu peux et tu atteins assez rapidement l'escalier. Vers le rez-de-chaussée. Tu vois, je te dis déjà ce que tu vois, c'est que tes compagnons n'ont pas l'air d'être immédiatement du coup dans le hall. A priori, ils sont rentrés dans la porte de la pharmacie, donc ils sont hors de vue immédiate. Et tu vois qu'a priori, un des trois corps qui était allongé en plein milieu du hall a l'air lui aussi de réagir et de se relever. de manière assez difficile mais certaine. Je vais... Ok. Je vais rappeler les autres avant que... Sauf si tu as quelque chose à dire, genre crier quelque chose ou quoi que ce soit. Dire Jésus-Marie. Très bien. Donc je vais rappeler les autres. Donc comme je vous l'ai dit aux deux groupes qui s'étaient séparés, vous entendez soudainement une alarme qui a l'air de venir de l'extérieur du bâtiment et qui à présent se répand à travers tous les couloirs, empêchant d'entendre quoi que ce soit. Pour ceux qui sont dans la pharmacie, j'imagine que vous précipitez hors de la pharmacie ou alors vous dépêchez de tout saisir d'un coup de ce qui vous restait. À vous de me dire. Je termine de ramasser rapidement, à part si je les vois vraiment partir sans moi, mais dans le dernier mouvement, j'essaie d'attraper ce que je peux, quoi. On a déjà récupéré pas mal de trucs ou pas ? Mais ouais, je pense que pareil, vous étiez plus ou moins à la moitié du boulot. Là, vous êtes interrompu. Moi, j'essaie de... Je vais prendre tout le reste d'un seul coup. Bon, il y a déjà du bruit, donc c'est pas ça qui va changer. Ouais. Voilà. Avec le bras, tu sais, je joue le sac et je suis... Genre en mode... Je suis beaucoup moins précautionneux que ce que je faisais avant. Moi, je regarde l'entrée pour éviter qu'il y ait quelque chose qui rentre. Ok, du coup, tu regardes l'entrée de la pharmacie un peu attentive. Je vais te demander un jet d'attention pour voir ce que tu vois à travers cette entrée. Les autres, une fois que vous avez fait ça, vous vous précipitez vers Alexios en attendant le signal de 11 bar. C'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Très bien. Alexios nous a fait un 53 moyen, très bien. À travers l'encadrure de la porte, tu as une petite vue sur une partie du hall et tu remarques que un des trois corps qui était allongé, donc pas celui que Ed avait empalé au niveau du crâne, est en train de s'agiter, en train d'essayer de se relever. Mmh. Voilà. Ben, je m'avance vers lui et je lui éclate le crâne. Je dis aux autres, suivez-moi. Ok, alors t'avancer vers lui, ça nécessitera donc de quitter la pharmacie et d'aller vers le milieu du hall. On est d'accord, c'est pas une action immédiate. Tu peux pas te téléporter à lui. Attends, je réfléchis avant de faire ça. L'homme fufu, il s'arrête d'action. Allez. Je fais un geste aux autres. Bien sûr, et je avance vers un milieu du hall et pour aller lui éclater la tête. On sait jamais. D'accord, très bien. Du coup, sous le signe d'Alexios, vous mettez tous à le suivre et vous quittez la pharmacie, entrant dans le hall et remarquant vous tous en effet que l'un des corps est en train de se relever. Vous remarquez du coup que au premier étage, juste en face de l'escalier qui mène au rez-de-chaussée, Dwayne est de nouveau en vue avec son sac à la main. Il a l'air d'avoir quoi. Il va bien le papier. Toi, Alexios, donc du coup, tu continues ta marche prudente vers le mort qui est en train de se relever avec ton arme à la main. Malheureusement, le temps que tu arrives ici, en effet, ça a l'air d'être. Un d'entre eux qui est assez vif, en effet, pas vif non, vif comme un mort tout de même, hein, il n'est pas incroyable, mais il est déjà debout, il a réussi à se mettre debout, révélant son visage dans lequel la peau s'est entièrement détachée, a priori sa peau est restée sur le sol pendant qu'il se relevait. Donc tu vois qu'il se relève et il te fait à présent face, gargouillant de plus belle. S'il devient de rien. Margot vient de le réaliser. Quelle mort, juste en dessous de nous. Il y a toujours l'alarme ou pas ? Ah ouais, elle continue. Là, considérez qu'elle est en continu et en continu. D'ailleurs, on va passer à ça. Voilà, très bien. Je m'écarte. Je sais que Gossed a toujours sa batte de baseball. Je fais. Mm-hmm. Essaye de toi. Faire ton meilleur home run. Je lui ai dit. Essaye de faire ton meilleur home run avec sa tête. Bah écoute, je m'approche de lui et avec la longueur de mon allonge, que je fais quand même 2 mètres, hein, donc je fais une belle allonge, plus l'allonge de batte, je pense que je prends pas trop de risques à essayer de lui mettre un coup de shoot dans la tête. Je vais simplement te demander un jet de force du coup. Et pour ce qui est de Dwayne, j'imagine que tu t'es pas arrêté devant l'escalier et que tu continues à descendre pour rejoindre tes compagnons. 62, et très bon. Et je dégaine un taux de maths quand je descends dans l'escalier. D'accord, tu dégaines quoi? J'ai pas très bien entendu. Un marteau. Marteau, très bien. 62, très bon. D'accord, marteau, très bien. Donc pendant que tu descends les escaliers, Dwayne, en sortant ton marteau, tu vois qu'en effet, Ed s'approche du corps qui s'est entièrement relevé et donne un grand coup de batte de baseball directement dans la tête de la créature, le faisant tomber de nouveau au sol. Pour l'instant, difficile de dire s'il a été tué ou pas, mais en tout cas, il est au sol. Vous commencez. J'espère que aussi. J'ai rien pris dans la gueule. Tu n'as rien pris. Il n'y a pas eu de revers de cerveau qui t'est tombé sur le visage. Ok. Cependant, pour les plus attentifs d'entre vous, ceux qui ne sont pas concentrés sur le home run de Ed, pourront remarquer que certaines portes se mettent à bouger. A priori, de l'autre côté, certaines choses tapent. Et de certaines portes qui étaient entrouvertes, c'est que vous n'avez pas pris trop le temps d'explorer, semble en effet se révéler certaines silhouettes. À ce sujet, dès que je dis « Ils sont partout, vite !» Très bien. Comment ça, ils sont partout? Je crie juste rapidement à Alexios de planter la tête de l'autre qui est par terre. Parce que comme je sais pas trop s'il est vraiment mort ou pas, je pense que le choc, quand même, malgré tout, il va pas se relever dans la seconde. Donc rapidement, lui planter la barre dans la tête quoi, pour l'achever. Ok, je vais planter la barre dans la tête. Très bien. Fais-moi juste un jet de force. Donc Dwayne, toi t'es toujours dans l'idée de courir vers la sortie, c'est ça? Oui. Très bien. Les autres, vous me dites si vous restez là pour attendre qu'Alexios ait fini de tuer la créature. Et qu'on vers quelle sortie? La sortie principale ou celle qui se trouverait à l'arrière? On va pas remonter. Ouais. Mais, non. La question c'est juste sortie principale ou sortie vers l'arrière là où il y a la voiture? La principale, parce que c'est pas dit qu'il y avait une sortie vers l'arrière, de ce que j'en sais. Si? Bon, on l'a vu à l'aller. D'accord, mais vu qu'on est dans le hall d'entrée, j'imagine que dire que aller à la sortie arrière, ça veut dire traverser tout le bâtiment. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dans ce bâtiment, personnellement, je sais pas non, que mon Asta me dit je sors par la sortie principale. Non, mais en soi, c'est pas bête, il me semble en plus que dehors il y avait pas spécialement de zombies, de souvenirs. Puisqu'on avait quand même roulé à l'extérieur et qu'on n'était pas spécialement poursuivi par une horde ou quoi que ce soit. Ah mais je jugeais pas, hein, je posais juste la question pour savoir. Hein. C'était pas du tout mon jugement, mais je disais en soi c'est pas si con de passer par la porte à bout. Non, du coup comme ça... Il y a une conversation qui se crée, mais moi je posais vraiment la question juste de savoir vers où il courait. C'est juste pour voir où lui il s'en va en fait. C'est pour que nous on ait l'idée de savoir où il s'en va. C'est ce que j'aime bien. Et du coup, pour répondre à ta question, Kamao, je pense que si qu'on va commencer à tous se diriger vers la sortie, de son Alexios, sinon on rattrapera. Il a pas l'air d'être spécialement en galère, on est d'accord. Mais... Ouais, non, pas spécialement. De toute façon, il nous demande à l'aide si jamais il a besoin. Donc, dans ce cas, je reste avec lui dans un premier temps. Tu veux pas plutôt avec ta jambe, toi? Ça serait peut-être mieux que tu commences à y aller. Non, c'est Dwayne qui a une jambe qui a un problème. Ah oui, pardon, oui, désolé. Il a fait tellement de conneries pendant la partie que j'ai l'impression qu'il y a... Moi je te conseille que tu fous un grand coup de batte. Ouais, ma batte elle est ensanglantée. Tu vas pas s'en trop tuer. Donc Dwayne, Cinda et Ashley, vous commencez votre progression vers la sortie principale. Certains que Ed et Alexios vont se débrouiller de toute manière parce que c'est des Alexios est habitué et Ed est un sacré gaillard. De ton côté, Alexios, du coup, tu t'approches de nouveau de la créature du coup, qui est allée au sol tu prends le bon mouvement avec ta barre pour commencer à lui transpercer le crâne. Tu as fait ton jet en effet et c'était 53 moyens, très bien. Tu plantes directement ton arme dans le crâne de la chose, sans attendre même de savoir si elle est toujours réveillée ou pas. On va faire un petit jet, on va voir comment ça se passe. Immédiatement après l'avoir flanté, il y a toujours cette microseconde où il y a une petite immobilité où tu t'attends de voir si ça a marché ou pas avant de commencer à reculer. Et tu vois que, en effet, tu l'as planté dans son crâne, mais tu ne sembles pas avoir traversé l'intégralité de son crâne. En réalité, pour ainsi dire, je dirais que tu as traversé son visage, pour ainsi dire. Dans ton cou qui a raté, du coup. Et la créature commence à se relever, déchirant d'autant plus les muscles et les os de son visage, mais continuant tout de même à se lever en s'auto-déchirant. Du coup, je crie bip et je prends la batte, en fait, tu sais, avec le bout arrondi comme ça, et je fais ça, en fait. Tu sais, je vais à l'inverse de son mouvement pour se relever, et je le finis avec la batte qui tombe directement à la perpendiculaire de lui. Je vais te demander un jet de force, mais là c'est limite juste pour 26, la procédure, quoi. 26, très bien. 26, très bien. Du coup, tu t'approches de nouveau d'un pas et tu donnes un grand coup de batte de baseball, le reclaquant au sol et a priori craquant son crâne tout entier, car ça occasionne une véritable giclée de sang qui fait une auréole autour de sa tête. Et c'est le moment où vous retirez, prenant vos armes. Je l'attrape avec Sios par le t-shirt, là, j'ai putain, vite, on y va. C'est ça. Et vous deux, vous mettant à courir pour rattraper les autres, vous entendez et vous remarquez qu'en effet, que le premier étage et les couloirs du rez-de-chaussée commençaient en effet à se remplir d'une dizaine ou d'une vingtaine de silhouettes déambulantes. Vous l'avez donc échappé belle. Vous arrivez à l'extérieur, rejoignant les autres, et vous vous mettez en route directement vers votre véhicule, donc faisant le tour du bâtiment. Je vais demander à chacun d'entre vous de me faire un petit jet d'attention pendant que vous continuez à courir ou en tout cas à trottiner vers votre véhicule. Attention. Oui. C'est quoi la compétence? Attention. Ouais, donc j'ai 45 en médiocre. Mm-hmm. 45 médiocre, ok. Mm. Du coup, plus ou moins tout le monde, oui. Tout le monde en réalité. Tout le monde mis à part Ed. Ed, c'est moyen ou c'est médiocre que tu as? C'est médiocre. Médiocre, ok. Ouais. Donc en effet. Tout le monde, mis à part Ed, qui est concentré du coup sur rattraper son retard par rapport au reste du groupe, vous remarquez que non seulement dans les rues, a priori, commencent à s'aventurer, non pas des groupes, mais quand même des individus solitaires qui sortent de ruelles ou quoi que ce soit, pas non plus en grand nombre, mais surtout, vous remarquez surtout que les bâtiments que vous aviez remarqué qui étaient barricadés et sur lesquels il y avait un symbole tchèque semblent être secoués au niveau des portes qui sont barricadées et ainsi de suite. Toutes celles qui étaient barricadées commencent à se secouer comme si des masses entières essayaient d'en sortir. Et je vais vous demander à la suite des jets d'efforts à tout le monde pour votre course d'autant plus endiablée vers votre véhicule. Est-ce que c'est le fameux moment où je vais mettre à faire un jet de merde? 22 très bon. 22 très bon, 41 très bon. On a des gens qui ont beaucoup mis en effort, a priori, dans ce groupe. Moi, je suis que moyen, mais j'ai fait 27. Donc ça... Ouais, c'est très bien. 27, bon. Je crois que j'ai tout le monde. Ouais, j'ai tout le monde. Pas faux, Cinder. Ah non, il me manquait Alexios, tiens. 15 moyens, très bien. Eh bien, personne ne fait de vol flâné à cause d'une peau de banane ou quoi que ce soit. Et vous courez, du coup, de plus belle vers l'arrière du bâtiment, vers là où est censé se trouver votre véhicule. Et vous arrivez finalement dans cette petite rue arrière. Et vous remarquez que, en effet, votre véhicule se trouve ici. Il est bien garé à l'endroit où vous l'avez laissé. Et vous avez Ada au volant. Vous le remarquez déjà en vous approchant à travers la vitre. Et vous vous jetez à l'arrière du véhicule. L'arrière du véhicule, le plus rapidement possible, vous fermez les portes et vous démarrez. Je vais faire quelques petits jets pour Adam, parce qu'a priori, il va être un peu pressé pour l'instant, pour démarrer en tout cas. Donc, Adam démarre, enclenche de plus belle la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, le plus vite qu'il peut pour au fur et à mesure de sa progression. S'éloignant du coup à travers les rues, évitant de prendre les rues que vous aviez déjà repérées comme étant un peu trop obstruées. Vous remarquez cependant, surtout toi Dwayne, qui fait assez attention à ton pick-up, que bon, il n'est pas non plus le meilleur des conducteurs, et que à cette occasion du coup il a évité certaines créatures solitaires au milieu de la route, ce qui ne facilite pas trop sa progression. Donc j'imagine que tu avances assez rapidement pour se retrouver à côté de lui et peut-être saisir le volant si c'est possible à un moment, enfin en tout cas l'aider à une occasion ou à une autre. C'est à toi de me dire. En fait c'est pas possible parce que mon pick-up c'est un pick-up. Ah oui c'est vrai, t'es sur le... Et d'accord, on est d'accord. Et c'est une... Voilà. En effet, bon bah du coup tu pries pour qu'il s'encastre pas dans un mort-vivant ou quoi que ce soit, ou dans un marcheur, ou dans un bouffeur, ou peu importe comment vous l'appelez. Et tu pries, et tes prières semblent fonctionner, parce qu'a priori il ne s'encastre dans rien du tout pour le moment. Et vous vous éloignez de plus en plus de cette zone en direction la petite Havane. Vous entendez cependant toujours l'alarme qui résonne, mais qui est rapidement coupée par des bruits beaucoup plus forts que vous entendez, toujours venant du quartier que vous venez de quitter, car ce sont des bruits d'explosion. En effet, il semblerait que vous ayez quitté le quartier au bon moment, car vous entendez, et vous pouvez voir en regardant à l'arrière, que certains bâtiments ont l'air d'exploser ou certains de s'effondrer. C'est pas tout le quartier qui s'effondre, mais... On va dire que sur une vingtaine de bâtiments que vous pouvez voir, il doit y en avoir un ou deux qui s'effondrent, et peut-être plus parmi ceux que vous ne voyez pas. Est-ce que comme ça, juste... mentalement, on arrive un peu à imaginer quels bâtiments sautent, et si c'est des bâtiments genre qui avaient été check, genre avec des rôdeurs dedans. Alors ça, je vais quand même vous demander peut-être un peu d'astuces. Voilà, pour pouvoir vous faire une carte 3D directement dans la tête par rapport à ce que vous avez vu maintenant que vous vous dégagez à toute vitesse. Donc ceux qui veulent savoir, le font en jet d'astuce. 4 en très médiocre. Ok, donc c'est pas mal quand même. Oui. 61, 75. Moi je m'en fous complet. Ok. Mais ça va. Moi l'idée m'est pas venue, donc je jette pas de dé. Ok. Donc... Moi, j'essaie pas spécialement de faire le lien avec les croix, mais juste d'essayer de voir de quel bâtiment est-ce que ça vient. Du coup, Ashley et Ed, vous arrivez rapidement à vous faire une petite carte mentale pendant que vous vous éloignez. Ça ne marche pas pour Alexios ou Dwayne. Vous faites rapidement une petite carte dans la tête et vous dites que certaines d'entre elles ont sûrement dû en effet avoir lieu dans certains des bâtiments où il y avait le symbole tchèque. Vous arrivez pas trop à savoir si ça a touché directement l'hôpital ou non. Vous pensez que non, en tout cas, vue d'oreille et vue de reconnaissance. Mais en effet, certains des bâtiments tchèques ont l'air d'avoir été d'épicentre de ces explosions. Ok. Comme si les personnes qui avaient fait en sorte de faire sauter les bâtiments et les rôdeurs qui étaient dedans. Comme si pour nettoyer un peu la zone des rôdeurs. Ou alors nous piéger, je sais pas. On sait toujours pas ce qui a déclenché l'alarme. Vous pouvez partir du scénario que vous voulez. Et... Alexios, t'as déjà eu face à ce genre de truc ou de près ou de loin? Je t'ai déjà dit, les groupes armés, il y en a pas mal. Alexios, je te confirme que, en tout cas, t'as jamais vu d'opération de démolition ou quoi que ce soit comme celle-ci. Il n'y a jamais eu de bâtiments qui ont explosé entièrement que t'as vu. Les seules opérations que j'ai vues, c'est que des bandes armées qui rentrent dans des maisons, qui récupèrent des gens et qui les enrôlent à tour de bras. Donc je peux pas dire plus, j'ai jamais eu d'explosion comme celle-ci. Sur le coup, moi ça me fait plus penser à un peu comme ces alarmes qui annoncent attention. Explosion sur le imminente, genre en gros attention ça va sauter, tout le monde se met à et ça m'a fait plus penser à ça. Ce sera tout pour moi. Moi, si chacun doit laisser son petit commentaire, moi, ce que j'ai à dire c'est quand même des sacrés moyens techniques et des sacrés sens pour ce genre de truc. C'est n'importe qui et je pense pas que ce soit un piège. Se faire chier à piéger à l'explosif tout un tas de bâtiments pour empêcher de piller un bâtiment. Ouais, pas forcément. Moi, je pense qu'on le fait. Mais oui. Très bien. Du coup, vous rejoignez assez rapidement le Cadillo Market. Ok. Et oui, sans autre problème, si ce n'est que du coup, vous apercevez cette fois-ci quelques-unes de ces choses dans les rues à certains moments. A priori, l'alarme a quand même résonné assez largement dans les alentours, pas seulement dans le quartier de l'hôpital. Et vous arrivez au Cadillo Market, vous rentrez rapidement à l'intérieur avec ce que vous avez récupéré. Vous êtes accueillis avec des sourires pour certains, des regards curieux pour ceux qui étaient les plus rétractaires à cette idée. Enfin, réfractaire à cette idée. Les trois militaires qui font un peu office d'autorité n'ont pas l'air spécialement contrariés, et même certains, surtout du coup Jared Ross, a un grand sourire, il est bien content qu'il y ait de nouvelles affaires qui arrivent.